mes auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour feuilleter, si vous le voulez bien, le calendrier des esclavages et des libérations. Le 4 novembre. 4 novembre 1780. Pérou, Bolivie. Début de la plus grande insurrection sociale de l'histoire des Amériques. Le mouvement éclate presque simultanément dans 80 provinces avec Tupac Amaru au Pérou et les frères Qatari en Bolivie. 1839, Grande-Bretagne. La marche des chartistes s'achève dans le sang. Au petit matin, le 45e régiment accueille des rebelles. 14 chartistes sont tués. Les leaders Frost et Williams sont arrêtés. 1848, France. Promulgation de la Constitution adoptée le 28-10. La peine de mort est supprimée. L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française. Cette constitution durera jusqu'à Louis-Napoléon le 14 janvier 1852. 1872, France. Après plus d'un an d'emprisonnement et un voyage inhumain, entassés sur des navires, les 4500 déportés de la Commune, parmi eux 21 femmes, dont Louise Michel, arrivent au bagne de la Nouvelle-Calédonie. 1894, Autriche, fondation de l'Association des Jeunes Travailleurs, Verein Jugendlicher Arbeiter. 1909, USA, arrestation par la police de Mary Dreyer, présidente de la Ligue de New York. La presse s'empare de l'événement et révèle au public les conditions de travail des ouvrières du textile. 1915, Mexique, les typographes se déclarent en grève. 1918, Allemagne. Les marins, révoltés de Kiel, s'unissent aux dockers pour former avec eux un conseil d'ouvriers et de soldats. La révolution de novembre est commencée. Alors, les conseils d'ouvriers et de soldats, en Russie, ça s'appelait les soviets. 1928, Nicaragua. Farce électorale. Moncada devient président. 1936, Espagne. Contre tous leurs principes, les anarchistes acceptent de participer au gouvernement. Car le dilemme guerre ou révolution n'a plus de sens. Le seul dilemme est celui-ci, ou la victoire sur Franco grâce à la guerre révolutionnaire, ou la défaite. En 1936, la CNT anarchiste compte 1 million de membres. 1 million de membres en 1936. Combien en 2018? 1950, Europe. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1956, Hongrie. Kadar forme un gouvernement ouvrier et paysan révolutionnaire. Il fait appel aux troupes soviétiques qui écraseront l'insurrection. 1973, Grèce. Grande manifestation populaire à la suite du service funèbre à la mémoire de Papandréou. 20 000 personnes affronteront la police. 1979, Iran. Attaque, occupation et prise d'otages à l'ambassade des USA à Téhéran. 1982, Cameroun. Démission volontaire du président Ali Djo. Il était à ce poste, depuis 1961. Le 5 novembre. 5 novembre 1838, au Honduras. Indépendance du pays qui est aujourd'hui le plus pauvre pays d'Amérique latine. 1915, Mexique. Les ouvriers et ouvrières de boulangerie sont en grève. 1923, URSS. 4e congrès de l'Internationale communiste. Une attention particulière est portée au développement du fascisme en Italie. 1933, Japon. Katayama Sen, prisonnier du gouvernement ouvrier japonais, meurt à Moscou d'une septicémie. Prisonnier, pionnier du mouvement ouvrier japonais, meurt à Moscou d'une septicémie. 1937, Allemagne. Hitler déclare au commandant en chef des trois armes et à son ministre des Affaires étrangères qu'il est décidé à élargir l'espace vital allemand. Élargir l'espace vital allemand, 1937. 1938, Maroc. L'espoir démystifie l'œuvre marocaine de l'IOT. L'espoir, c'est un journal. Il jouait volontiers théâtralement le rôle de grand ami des Marocains. Mais qu'a-t-il fait pour eux, hormis quelques gros pachas et caïds sur lesquels il s'est appuyé sans vergogne pour gouverner et dont il a tout toléré? De toute son œuvre au Maroc, que reste-t-il en faveur des fellahs, des artisans, de ceux qu'il a aidés à faire de prolétariat des grandes villes? 1978, Iran. Malgré la loi martiale, les manifestants sont maîtres du centre de Téhéran. Le portrait du Shah est brûlé. Les hôtels et sièges des résidents étrangers sont saccagés. 1984, Afrique du Sud. Mouvement de grève de 58 heures lancé par les organisations anti-apartheid dans la province du Transvaal. Novembre 1813, Mexique. José María Morelos, le petit curé de paroisse, métis, fils de paysans pauvres, après avoir organisé les zones libérées, convoque à Chilpancingo un congrès qui proclame l'indépendance du pays. Mais lui aussi sera pris et fusillé en 1815. 1905, Russie. Insurrection armée des matelots et des soldats à Kronstadt. 1913, France, Allemagne. À Saverne, Bas-Rhin, le lieutenant allemand Forster insulte une jeune recrue alsacienne, le titrant de Wackes. Les autorités refusent de limoger le lieutenant. Des émeutes éclatent dans la ville. L'Alsace indignée réagit contre la germanisation et la discrimination dont elle est l'objet. 1917, Russie. Début de la révolution d'octobre. À Saint-Pétersbourg, ouvriers, soldats et marins se soulèvent. Un grand espoir va naître pour la classe ouvrière mondiale. Un grand espoir va naître pour la classe ouvrière mondiale. Pour la première fois, une expérience socialiste va confronter le marxisme aux réalités du pouvoir. 1936, Irak. Le journal Al-Arit écrit « Nous savons bien que le capitalisme organisé n'existe pas encore dans notre pays, mais l'exploitation du peuple existe et nous devons faire tout notre possible pour la liquider, de même que nous devons détruire le régime féodal. Détruire le régime féodal. C'était en Irak en 1936, hein, pas en France en 2018. 1937, Allemagne, Japon. Pacte anticommuniste entre les deux pays. 1957, Vietnam. Ho Chi Minh, réfléchissant sur la révolution d'octobre, parle de la libération des peuples de l'Asie. 1962, Afrique du Sud. L'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution demandant aux États membres de rompre les relations diplomatiques et économiques avec l'Afrique du Sud et de ne plus lui fournir armes ni munitions. 1963, France. Marche des mineurs de fer sur Metz. Pour défendre le bassin sidérurgique de Lorraine, ils partent à 1000 de Moutiers. Quand ils arrivent à Metz, après une marche de 39 km, ils sont 4000. 1964, France. Congrès extraordinaire de la CFTC en vue de la modification des statuts. La CFDT, c'est-à-dire Confédération Française démocratique du travail, est créée. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de sigle, mais aussi d'un changement de contenu, croyez-vous. La suppression de la référence chrétienne de la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, s'accompagne d'un accueil aux différentes formes d'humanisme. La CFDT choisit une laïcité ouverte et positive, mais les minoritaires, 28,89%, continuent la CFTC. 1983, Turquie, les élections législatives désavouent les militaires au pouvoir. Premier revers pour les généraux, premier pas vers la démocratie, point d'interrogation. 1984, Chili, le général Pinochet décrète l'état de siège sur tout le territoire national. L'association a été créée le 1er octobre 2017, le 16, pardon. Oui, puisque avant nous étions comité de défense, qu'on a une structure informelle qu'on avait créée lorsque la maternité a été menacée. La maternité de Remiremont, c'est quand même le premier service public des Vosges en termes d'accouchement. Enfin, c'est la plus grosse maternité des Vosges, service public. Et en plus, c'est le premier service public en matière de cancer du sein. Bon, je ne vais pas refaire tout l'historique. Notre association regroupe des citoyens, des professionnels de santé. On a deux gynéco-obstétriciens qui sont avec nous et qui sont l'ossature du comité médical sur lequel on s'appuie. On regroupe des organisations syndicales. L'Union locale CGT a été une des premières à venir avec nous. On a beaucoup plus de mal à intégrer la CFDT, avec qui quand même l'organisation à l'heure actuelle qui est représentative dans l'hôpital de Remiremont, puisque la CGT alors qu'il n'existe pas à Remiremont. Et bon, ils disent que leurs statuts ne permettent pas d'adhérer, mais bon, on les invite à nos travaux. On regroupe un certain nombre de municipalités en tant que personne morale et un certain nombre d'associations. Sur les 2 ans, puisqu'on s'est structuré en association et ça va faire 2 ans le 1er octobre, ça fait 2 ans le 1er octobre, on a 1750 adhérents. En termes d'action, on a réussi, je voudrais simplement remettre en exergue ce qu'on a fait le 12 juillet de cette année, où on a rassemblé quand même 1500 personnes dans les rues de Remiremont. Le 12 juillet, c'était le tout début des congés payés, c'était la Coupe du Monde, et on ne donnait pas cher de notre perspective de mobilisation contre la perspective de fusion des 2 hôpitaux et d'absorption de l'activité NCO Faircourt sur Épinal. Le COPIL qui a suivi, le comité de pilotage qui a été mis en place par l'ARS au terme d'une bagarre contre la fermeture de la maternité puis ensuite contre le projet médical commun qui poursuivait toujours le même objectif, à savoir l'équilibre financier uniquement et l'absorption des activités sur Épinal. Le COPIL du mois de juillet a refusé la fusion et a dit qu'il fallait quand même une activité équilibrée entre les 2 hôpitaux. Pour autant, cette belle promesse ne tient plus trop aujourd'hui, puisque à nouveau, il va y avoir un COPIL. Bon, on a parlé des 150 emplois, mais il n'y a pas que ça. Enfin, l'intention de l'ARS, c'est quand même effectivement de transformer l'hôpital de Remiremont. Alors, les mots sont biaisés, parce que nous aussi, on défend l'hôpital de proximité. Maintenant, on a dit on défendrait le centre hospitalier général de Remiremont avec ses activités de médecine, chirurgie, obstétrie. Et parce que maintenant, avec l'histoire du plan de 2022 et puis les intentions de l'ARS, c'est de dire quand même que c'est un hôpital de proximité, mais en fait c'est un centre de médecine polyvalente avec les services de suite de soins et de réadaptation, et avec un centre de gériatrie un peu amélioré, enfin une EHPAD améliorée, quoi. C'est le projet de l'ARS. Donc on veut à nouveau certainement réfléchir à quel type de mobilisation on va faire. Sachant, là, vous avez tous vu dans le journal hier qu'il titrait « Travailler ou plonger ensemble » et que l'ARS met une grosse menace en disant « Si vous n'acceptez pas, on vous mettra sous tutelle. » Et c'est nous qui reprenons les rênes, il n'y aura plus de conseil de surveillance qui n'a déjà pas un grand rôle dans la gestion, puisque tout est concentré entre les mains du directeur qui est aux ordres de l'ARS. Les projets de l'ARS sont uniquement financiers et ne s'adressent qu'à la communauté médicale sur laquelle on met un pistolet sur la tempe en disant c'est ça ou rien. Et on ne parle pas de la population, ses besoins, les malades, les usagers sont complètement absents des réflexions. Il faut quand même savoir que dans les Vosges, la mortalité en général est de 12% supérieure à la moyenne nationale et la mortalité prématurée avant 60 ans et de 20% supérieur à la moyenne nationale. Et ça, c'est les chiffres qui sont affirmés par l'ARS dans le plan régional de santé. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir, attirer un peu votre attention. Ils nous disent, objectif 2022, 70% d'hospitalisation de jour. Moi, il me semble aussi... j'y vais finir. Hospitalisation de jour, 70%. Les mots sont biaisés aussi, parce qu'on voit venir une tendance, on n'en parle pas, mais c'est le soin le jour à l'hôpital et la nuit à l'hôtel en face de l'hôpital. Ils nous ont déjà dit ça pour la maternité en disant si c'est trop loin pour les parturientes qui viennent dormir de la Bresse ou de Bussan, eh ben, on fera un hôtel en face de l'hôpital. Pour qu'un mois avant, elle puisse être en face de la maternité et ne pas avoir de problème de transport pour rentrer en cas d'urgence. Et le deuxième pas, là, moi je trouve qu'on est assez absent sur cette question-là, c'est la question écologie. Hier, Fabius disait sur France Inter que l'augmentation des gaz à effet de serre, c'était alerte rouge, qu'on n'avait rempli aucun des objectifs. Les agences régionales de santé qui ont une responsabilité publique en matière de qualité de l'air, n'ont qu'une seule politique, c'est de mettre tout le monde sur la route et donc d'augmenter encore un peu plus cette question des gaz à effet de serre. Et moi, je pense que là-dessus, on devrait un peu plus faire quelque chose et mettre ça en avant. Voilà, je vous remercie. Je vais vous parler de l'élection présidentielle au Brésil. Alors bon, vous avez suivi ça de loin, ou de près, si vous vous intéressez à l'actualité du monde, ce qui est souvent le cas parmi les gens qui s'intéressent à ce que je raconte. Le Brésil, c'était, dans l'histoire récente, c'est-à-dire après la fin du monde tel qu'il était organisé, avec d'un côté l'Est, le camp socialiste, entre guillemets, c'est-à-dire le communisme d'État, et de l'autre côté le camp de l'Ouest, qui est le camp capitaliste, sous la direction des États-Unis d'Amérique. Dans la période qui a suivi, après l'effondrement du communisme d'État, il y avait de très nombreux penseurs qui disaient « c'est la fin de l'histoire, c'est terminé, le capitalisme a gagné ». Et donc les raisons d'être du capitalisme, ses principes, ses formes d'organisation, vont dorénavant dominer le monde. Il y avait même un Américain qui avait écrit un livre qui s'appelait « La fin de l'histoire », pour dire « bon, c'est terminé, voilà, maintenant il n'y a plus de conflictualité ». Dans la société, sur la manière d'organiser cette société, ça peut être que le système capitaliste. Bon, alors après, les Américains ont envie de changer de registre, parce que si c'est la fin de l'histoire, il n'y a plus besoin d'avoir d'armée, il n'y a pas de guerre, bon, et ça fait pas exactement les affaires du système nord-américain, aussi bien pour les bureaucraties de la sécurité, pour l'innombrable masse de militaires, mais aussi sur le plan économique, parce que les États-Unis d'Amérique, avec le système de l'économie d'armement, peuvent relancer régulièrement leur économie en injectant des milliards dans l'armement. Et ces milliards qui vont dans l'armement, bon, bah, c'est des salaires, donc des gens qui à leur tour se mettent à emprunter pour acheter des maisons, acheter des voitures, etc. Mais c'est aussi beaucoup de matières premières, beaucoup de productions de toutes sortes qui sont nécessaires. Donc vous voyez que l'économie de guerre joue un rôle particulier pour les États-Unis d'Amérique, et il ne peut pas être question pour eux de dire c'est la fin de l'histoire. Maintenant, à l'époque, comme on disait, on va toucher les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, ça veut dire plus d'armes, et donc les budgets militaires allaient fondre dans les budgets civils. Bon, rien de tout ça ne s'est passé, mais dans la période qui a suivi l'effondrement du communisme d'État, il y a quand même eu une énorme vague de gens se disant « ouf, maintenant on y va, on fait ce qu'on veut ». Et en particulier dans les anciens pays du communisme d'État, où on a vu des taux de partage de la richesse produite entre le capital et le travail comme on n'en avait jamais vu nulle part ailleurs avant dans l'histoire du capitalisme. Parce que le partage traditionnel, c'est 70-30, 60-40, bon, maximum. Il faut quand même se rendre compte que quand on dit 60-40, ça veut dire 60% pour le travail, 40% pour le capital. Mais le travail, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et le capital, c'est très peu de monde. Très, très peu de monde. Bon. Vous voyez donc que ces taux, ces proportions, il faut les regarder de près. Et on est arrivé, dans certains pays dits de l'Est, hein, autrefois, à du 50-50. C'est-à-dire 50% de la richesse produite va à quelques personnes et l'autre moitié à tous les autres. Bon. Et ça, c'est les formes les plus exagérées dans les anciens pays du camp communiste, mais partout ailleurs dans le monde, il y a eu une pression à la baisse des salaires qui a été gigantesque, et en même temps un gonflement de la bulle financière qui a elle aussi été gigantesque, parce qu'ils se sentaient les mains libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc pour les États-Unis d'Amérique, ils sont mis à imprimer de l'argent tant et plus, bon, cet argent est parti dans la sphère financière. Ça, c'était l'état du monde, disons, jusqu'à la fin des années 90, avec des pays où il y a eu des vagues terrifiantes. Par exemple, en Russie, l'espérance de vie s'est mise à réduire d'un seul coup de 7 ou 8 ans pour les hommes, et ainsi de suite. Des phénomènes de régression civilisationnelle dans tous les pays qui ont été touchés par la chute du communisme d'État. Et dans les autres pays, l'aggravation des conditions d'exploitation, parce que les maîtres se disaient, bah, on s'en fout, on craint plus rien, notamment en Europe. En Europe, c'était le lieu de leur sainte pétoche, parce que c'est là qui était concentré à l'époque le plus grand appareil productif du monde, dans l'Union européenne, qui représente 25% du total de la richesse produite dans le monde. Donc c'est là qu'il y avait la plus grande concentration de capital productif, de machines, de réseaux, de tout ce que vous voulez, qui contribue à la à la formation de la richesse du monde. Et évidemment que c'était là qu'ils avaient le plus peur, donc parce que l'Union soviétique était juste à côté, et ils se disaient, si jamais il y a un problème révolutionnaire quelque part, adieu vos vaches cochons, tout est perdu. Bon, alors ils maintenaient l'ordre avec une grande vigilance, mais enfin, ils avaient peur, donc ils lâchaient des choses, ils lâchaient des avantages sociaux, ils lâchaient un partage de la richesse plus favorable aux travailleurs qu'ailleurs dans le monde, par peur. Du jour où ils ont plus eu peur, alors ils se sont lâchés. Et on avait l'impression que rien ne leur résisterait après cet épisode. Et c'est alors qu'est apparue une alternative, une expérience du contraire, et elle est née au Brésil. C'est pourquoi j'ai commencé par le Brésil. Avec une série de petits partis qui se sont regroupés en un seul. Quand je dis petits partis, ça allait de partis d'extrême gauche à des partis, disons, issus de la démocratie chrétienne, pour les secteurs de gauche de la démocratie chrétienne. Et tous ces petits groupes ont formé le Parti des Travailleurs du Brésil, dont la figure emblématique était le métallo Lula, Ignacio Silva da Lula. Bon. Et Lula, personnage, un métallo, un syndicaliste, emblématique de cette population pauvre, parce que c'est un homme qui est né dans l'extrême pauvreté et qui s'était élevé au statut de travailleur qualifié, et ensuite de leader syndical, puis de leader politique. Alors, avec son doigt en moins, ils avaient perdu un doigt dans une machine. Très caractéristique de la présence physique ouvrière. Dans notre pays aussi, vous avez beaucoup de gens à qui il manque un doigt, des fois deux, ou qui ont eu des fractures qui leur ont laissé des traces terribles, parce que le corps au travail, le corps enchaîné sur la machine, il faut pas croire que ça n'a pas de conséquences, ça a la maladie comme conséquence, mais aussi beaucoup de déformations et beaucoup d'accidents du travail. Donc Lula, c'était tout ça à la fois. Et Lula finit par gagner. Mais avant de gagner, il donne un exemple d'une façon de faire, de se regrouper, et surtout d'adopter une ligne de gauche qui soit une ligne populaire, qui se préoccupe d'abord des intérêts populaires, et qui soit pas dans le baratin de la social-démocratie mondiale, sur la performance, blablabli, blablabla, les énergies à libérer, toutes ces salades des libéraux, que les partis socialistes du monde entier avaient plus ou moins intégré, à l'exception du parti français, il faut quand même le dire à son honneur, qui était à l'époque dirigé par Lionel Jospin et qui n'avait pas accepté cette manière de voir le monde qui dominait tout le reste de la social-démocratie mondiale. Donc, ils ont une ligne qui était tirée beaucoup, il faut dire les choses comme elles sont, de la théologie de la libération. La théologie de la libération, c'est un secteur de la pensée chrétienne, catholique, qui fait de l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire du fait qu'on organise sa pensée et son action en fonction des intérêts des pauvres, un fil conducteur à la fois pour la réussite morale personnelle et aussi pour la société. Donc cette option préférentielle pour les pauvres a été le cœur du programme de Lula. Et c'est pourquoi il est si vite devenu si populaire dans son pays. Mais il faut se rendre compte que c'est un grand pays. Et Lula a dû s'y reprendre à 4 fois pour être élu président de la République. Alors moi j'avais rencontré les 2 dernières fois où il avait essayé. La toute dernière fois, il était passé en France. Et en France, moi j'étais ministre à cette époque-là, il n'y a que moi qui l'ai reçu. Dans mon ministère, et il m'avait offert une magnifique horloge que j'ai à ma campagne, où il y a les animaux de la jungle qui chantent. Bon, ça met tout le monde en état de nerfs abominable chez moi, parce qu'évidemment, ces bestioles se mettent à crier toutes les heures, et ça fait toujours un choc d'entendre des cris d'oiseaux, et à chaque fois, je pense à Lula. Bref, Lula gagne et met en place une politique progressiste, comme il y en avait nulle part ailleurs dans le monde, et surtout sur le continent latino-américain. Faut que j'arrête de dire dans le monde, parce que nous sommes très ignorants des choses qui se passent en Asie. Nous ne regardons pas ça d'assez près. Par exemple, il y a plusieurs États de l'Inde qui sont sous direction progressiste, socialiste ou communiste, qui ont des politiques extrêmement avancées. Alors il faut arrêter de dire que le monde se résume au monde, entre guillemets, occidental, d'accord ? Bon, bref, en tout cas, il n'y avait rien d'autre que Lula et le Parti des Travailleurs. Ça a donné 2 conséquences. D'abord une onde de choc sur toute l'Amérique latine qui a provoqué la chute des gouvernements libéraux les uns derrière les autres et l'émergence de la nouvelle génération qui va de la gauche bolivarienne vénézuélienne à la révolution citoyenne en Équateur, le kirchnerisme péroniste en Argentine, Pepe Mujica en Uruguay, etc., etc., etc. Bon, à peu près tous les pays ont été atteints par la vague, les plus retardés étant les Chiliens, mais depuis ils ont rattrapé ce retard. Eux aussi, ils ont une formation politique comme la nôtre, France Insoumise, qui fait aussi 20% à peu près aux élections. C'est tout nouveau, hein, ça vient juste de se produire. Alors voilà, telle était la stature et la figure de Lula. Premier effet, la chute en Amérique latine des gouvernements libéraux et leur remplacement par des gouvernements de l'alternative. Et puis partout dans le monde, l'idée qu'on n'avait qu'à faire comme le Parti des Travailleurs, c'est-à-dire regrouper des partis de gauche et puis en faire un nouveau parti, quelque chose de nouveau. Ça a donné Syriza, que vous connaissez en Grèce, à l'époque ça s'appelait Sinapismos, ça a donné Izquierda Unida, qui veut dire la gauche unie en Espagne, ça a donné Die Linke en Allemagne, et nous les derniers en France, le Front de Gauche. Dans tous ces pays, en gros, ça revenait à une alliance de petits partis communistes ou de partis communistes détruits, comme celui de l'Allemagne de l'Est, avec des fractions dissidentes des partis socialistes, des gens qui quittaient les partis socialistes. En France, c'est le cas. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste en 2008, fondé le Parti de gauche et fait une alliance politique avec le Parti communiste qui s'appelait le Front de gauche. Alors, tout ça, c'est le résultat de la dynamique qui est venue du Brésil. Je vous ai raconté tout ça pour que vous vous rappeliez bien que la vie des peuples, la vie de nos courants politiques, c'est un tout dans le monde. On peut pas dissocier un aspect des autres, il y a toujours un impact. Donc ce qui vient de se passer a un impact. Alors, géopolitiquement, vous devez le comprendre. Le Brésil, c'est une des composantes d'une sorte d'alliance mondiale qu'on appelle les BRIC. Hein, bon, c'est un acronyme, on appelle ça comme ça. Alors, BRIC, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Hein, le South Africa, le S à la fin. Ces pays sont mis ensemble et ça représente une proportion considérable de la richesse du monde et de la population du monde surtout. Et ceux-là se sont dit, bon, pas pourquoi c'est les États-Unis qui décident de tout, et en particulier, pourquoi on serait obligé de commercer avec la monnaie des États-Unis, parce que quand on commerce avec la monnaie des États-Unis, ben, on leur donne du pouvoir, et on renforce leur capacité à imprimer de la monnaie sans avoir besoin de produire. Donc ils ont commencé à dire, on va commercer en autre chose qu'en dollars. Alors là, l'oncle Sam, les gringos, les États-Unis d'Amérique, la peur panique, parce que si les gens se mettent à commercer en autre chose qu'en dollars, le dollar sert plus à rien, et pouf, il s'effondrera. Et avec lui, toute l'économie des États-Unis, et il faut bien le dire, l'économie du reste du monde pendant quelques temps, faut pas raconter d'histoire. Il y aurait un chaos terrifiant si le dollar s'effondrait. Et donc, les États-Unis d'Amérique ont ressenti ça comme une agression. Il fallait qu'ils trouvent le maillon faible. Alors, ils s'y sont pris de deux façons. D'abord, la Russie, en faisant un encerclement, et en Amérique du Sud, taper un derrière l'autre tous les gouvernements progressistes en ayant le Brésil en vue. Alors là, catastrophe pour les États-Unis d'Amérique, ça se passe pas comme prévu. C'est-à-dire que il y a de la résistance partout, il leur arrive une autre catastrophe, c'est-à-dire que le Mexique, qui était dirigé par des gens de droite et des libéraux, change de camp, et c'est un nationaliste de gauche, plutôt alternatif, hein, même beaucoup, en tout cas social, qui gagne la dernière élection présidentielle au premier tour et avec 54% des voix à la porte des États-Unis. Vous imaginez la tête que font les gringos en voyant ça. Bon, donc c'est AMLO qui a gagné au Mexique, Andrés Manuel López Obrador, qui va être installé président de la République en décembre, s'il est toujours vivant à cette époque-là, comme il le dit lui-même avec humour. Donc il y a eu des élections terribles et le Mexique gagne, le pays, l'Équateur, c'est à nouveau un successeur de Rafael Correa qui gagne. Bon, passons sur ce qu'il est devenu entre-temps. Mais en tout cas, l'élection n'a pas été gagnée par la droite libérale. Hein. Elle a été gagnée par un traître, mais pas par la droite libérale. Et puis, en Colombie, qui est le porte-avions des États-Unis en Amérique latine, imaginez-vous un pays où il y a 7 bases américaines. Là, pareil, catastrophe. Dans ce pays, au deuxième tour, arrive un gars de notre famille, Gustavo Petro. Alors, pour eux, c'est la cata. Dans tous ces pays, ils n'y ont pas été de main morte. Hein. Pour les élections en Colombie, ils nous ont assassiné 45 camarades. Au Mexique, 110 personnes tuées pendant l'élection, des candidats, hein, dont 60 de Morena, c'est-à-dire d'AMLO, des progressistes. Bon, vous voyez, donc ils ont vraiment tapé de toutes leurs forces. Et puis ils ont mis au point une nouvelle stratégie, qui est la judiciarisation de la politique parlementaire. C'est-à-dire on commence à faire des procès pour corruption en général, hein, parce que bon, le meurtre, la drogue et tout ça, c'est pas trop le truc des gens de la gauche alternative, donc on invente des cas de corruption. Et ils ont commencé à taper pays par pays en fabriquant des procès. Alors à chaque fois on nous dit, non mais la justice est indépendante, vous oseriez quand même pas dire que c'est télécommandé. Alors c'est comme ça qu'ils ont fait au Brésil. Donc au Brésil, ça tournait très mal pour les gringos, ben, vraiment très mal. Pourquoi ? Parce que dans les sondages, Lula est à nouveau candidat et choque 60% des gens s'apprêtaient à voter pour lui. Alors là, les Américains ont dû prendre des mesures. Et ils ont trouvé leur marionnette habituelle, locale, ils ont ce qu'ils font sous la main. Hein. Et ils ont dit, bon, ben, voilà ce qu'on va faire, on va taper Lula en le judiciarisant. Donc, perquisition chez Lula, arrestation et inculpation. Justice indépendante, attention les gens, la justice indépendante. Inculpe Monsieur Lula pour avoir été corrompu parce que des sociétés lui auraient fait cadeau d'un appartement. Bon, alors, quand il faut voir le procès verbal, s'il est incroyable, hein. Le juge lui dit, alors, vous avez eu un appartement? Il dit, ah ben non. Vous pouvez nous dire où il est? Lula, il dit, ben je peux pas vous dire où il est, vu que j'en ai jamais eu. Et le juge dit, bon, donc, vous refusez de reconnaître que vous avez eu un appartement. Le juge dit pas où est l'appartement. Et personne n'a jamais su où était cet appartement, soi-disant appartenant à Lula. Donc, il l'inculpe, et lui, il va se réfugier au syndicat des métallos, et pour finir, il accepte de sortir. Moi, je ne serais pas sorti, hein. Mais lui, il est sorti, et il dit, bon, d'accord, je me rends à la justice, j'accepte d'aller en prison, pour 12 ans, s'il vous plaît, parce qu'il s'est ramassé 12 ans dans l'affaire. En échange, pour sortir, je demande une messe pour ma femme, parce que son épouse est décédée, que lui est croyant. Et puis, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, donc il sort, pof, il le met en cabane, et à partir de là, la justice indépendante, les médias indépendants et la droite, c'est curieux, c'est un hasard, mais ils tenaient le même discours, se mettent à taper le Parti des Travailleurs, la corruption, le ci, le là, bon, et Lula qui avait été se réfugier au syndicat des métallos et qui est sorti acclamé par le peuple, ça se fait pas, est-ce qu'il se croit au-dessus des lois, blablabla. Et évidemment, ils ont mis en route la machine pour faire élire un type d'extrême droite. Et ils ont gagné. Et le gars d'extrême droite, hein, il a annoncé la suite. Il a dit, Lula, vous allez pourrir en prison. Donc, tous les accords que Lula avait passés, hein, il va rester là-bas dans sa prison. Il y en a déjà quelques-uns de nos camarades. Et nous avons perdu. Il y aura donc une onde de choc de ce qui se passe au Brésil sur le reste de l'Amérique latine. Mais nous, quand on voit ça, d'abord, un, on doit bien regarder comment l'ennemi s'y est pris, hein. D'accord ? Et puis on doit réfléchir aux erreurs que nous-mêmes on a fait, parce que sinon, ça sert à rien. Si on croit que c'est seulement tout de la faute des autres, il y a aussi les erreurs qu'on fait. La première erreur, c'est d'avoir accepté le baratin sur la justice indépendante. Parce que ce qui est incroyable, c'est que la même justice qui éjecte Dilma Rousseff de la présidente, c'était la femme de gauche, qui met en place un type qui lui-même était encore corrompu, hein. Ça a duré 2 ans, le gouvernement de droite. Et à la fin, comment ça se termine? Le juge indépendant qui a envoyé pour 12 ans Lula en prison, le juge indépendant, eh ben on découvre là maintenant, regardez comme c'est bête, on n'avait pas vu avant, qu'il est d'extrême droite. Et, ah zut alors, il paraît qu'il pourrait être ministre de la justice du président d'extrême droite. Autrement dit, le juge indépendant était en réalité un agent d'extrême droite qui s'apprêtait à entrer au gouvernement d'extrême droite si l'extrême droite gagnait les élections au Brésil. Bon, naturellement, c'est pas en France qu'un truc pareil se passerait, tout le monde le sait. Mais quand même, c'est intéressant de voir comment ils s'y sont pris au Brésil. Et surtout que c'est la même méthode qui est utilisée en Équateur contre l'ex-président Rafael Correa. Ils l'ont inculpé d'avoir enlevé et séquestré un ancien député. Pourquoi ? Pas de preuve, pas de raison. Et à partir de là, il y a une inculpation contre lui, et ils ont lancé un appel à Interpol pour qu'ils aillent l'arrêter en Belgique. Naturellement, Interpol a dit, attendez, nous on est une police respectable, bon, on fait pas de politique, on n'est pas là pour arrêter et régler les comptes politiques entre les différentes factions. Donc Interpol a dit, nous on n'a rien à voir là-dedans, et on veut pas s'en occuper, et on n'ira pas chercher Rafael Correa en Belgique. Mais c'est ça qu'ils s'apprêtaient à faire, hein. Je vous passe le reste. Donc la judiciarisation et la criminalisation de l'action politique est la nouvelle ligne stratégique des États-Unis d'Amérique dans les coups qu'ils portent contre les gouvernements progressistes de l'Amérique latine, pas d'Europe, de l'Amérique latine. Alors nous, on doit le savoir parce que on voit leur tactique dans tous les pays. Avant, ils se contentaient de nous tuer. hein, enfin si j'ose dire. Ils tuaient, comme ils ont fait au Chili et ailleurs. Et il y a toujours eu une discussion à l'intérieur des services nord-américains pour... parce qu'il y a des gens qui disent des méthodes pareilles, c'est terrifiant, quoi. On est obligé de mettre en place une dictature, et après la dictature finit par s'en aller, la situation est pire après qu'avant. Bon. Donc ils ont trouvé une nouvelle manière de faire qui peut convaincre les gens, qui peut conduire les gens à trouver ça normal, à accepter. Alors ils procèdent par des putschs institutionnels, ils trouvent toujours une cour suprême, un truc comme ça pour démettre les présidents en exercice, c'est ce qui est arrivé à Dilma Rousseff au Brésil, Lugo au Paraguay, la même chose au Honduras, hein, trois pays. Donc c'est pas un, si je vous raconte tout ça, je sais de quoi je vous parle, c'est pour que vous réfléchissiez et que vous voyez les constantes. Ça c'est le premier truc, les coups d'État constitutionnels, et puis à côté, les coups d'État judiciaires, qui consistent à arrêter des gens, à les inculper de n'importe quoi, à les mettre en cabane pour gagner les élections et les discréditer en les élections. Voilà pourquoi chacun d'entre vous, mes amis qui m'écoutez, vous devez bien réfléchir à ce qui s'est passé. Pas seulement gémir et pleurnicher, ah c'est horrible, il est misogyne, il est homophobe, il est tout ça à la fois, hein, le gars qui vient d'être élu président du Brésil. Mais comment on en est arrivé là, hein? Alors après je vous laisse méditer l'infamie d'un organe de presse indépendant, pour lequel pourtant moi j'avais la plus grande sympathie, France Culture, qui s'amuse à dire qu'il y a quelque chose de commun entre le dirigeant d'extrême droite du Brésil, Trump, et moi, c'est que nous n'aimons pas les médias. On se demande vraiment pourquoi j'aime pas les médias. J'ai aucune raison, j'ai que des raisons de les adorer. Mais ce genre d'amalgame vous montre comment fonctionne déjà chez nous la machine à faire des paquets, hein, et à diaboliser, à organiser le champ politique comme veut le faire Macron, hein, c'est ça que font toutes les radios d'État, hein. France Info, France Culture, tout le reste, quoi. France Inter. Ils veulent organiser un champ dans lequel il y a les progressistes européens, monsieur Macron, et de l'autre côté, tout le reste. Des populistes abominables, nationalistes, obscurantistes, etc., etc. Mais, et après, bon, une fois qu'ils arrivent à dresser ce tableau, il y a le parti des castors qui arrive, qui vont faire barrage. Alors, on va faire barrage, et pour faire barrage, tout le monde et n'importe qui se retrouve à voter, pour n'importe quoi. Et c'est comme ça, leur tactique, elle est mondiale, ils font ça partout, hein. Si c'était qu'en France, on pourrait dire, mais c'est une particularité nationale. Non, c'est partout. Et partout, ça donne le même résultat. C'est-à-dire que le barrage, il sert à rien et que l'extrême droite finit par l'emporter. Nous, on a choisi une autre voie, qui est celle de marcher avec les colères populaires et de leur donner un contenu et une issue positive à travers un programme. Pour nous, c'est l'avenir en commun. Et donc, de ne pas accepter cette fausse latéralisation du champ politique. Latéralisation veut dire mettre d'un côté et de l'autre, hein, le mot latéralisation, côté. Cette fausse latéralisation, cette fausse organisation du champ politique que veulent les macronistes. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes. Ils étaient vieux avant d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Notre monsieur ou notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir florissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Notre bon maître ou notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourquoi ont-ils tué? tuer Jaurès. Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'honneur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, ou notre bon maître, couvert de prêtres, ou notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de long d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi m'ont-ils tué, Jaurès? Mais pourquoi ont-ils tué Jaurès? Tout de suite, place au point financier hebdomadaire, mais ne bougez pas, puisque juste après, c'est l'autre 20h. Bonjour à tous. Comme promis, nous revenons vers vous pour faire un point hebdomadaire sur la situation financière du média. Depuis la rentrée du média, nous recevons 270 dons par semaine en moyenne. Un don fait en moyenne 71 euros. Ainsi, le montant de dons a dépassé la barre de 100 000 euros. C'est formidable. Merci à vous. Nous remercions du fond du cœur, vous, les sociaux, vous qui êtes restés très mobilisés pour sauver le média. Vous augmentez vos cotisations mensuelles et vous rachetez des titres. Depuis la rentrée, plus de 6 600 titres ont été achetés. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous les nouveaux sociaux, ceux qui sont devenus sociaux donc. Vous avez acheté près de 2000 titres pour un montant de près de 10 000 euros. En lissant l'argent qui est entré dans nos caisses depuis la rentrée, nous avons atteint 24 000 euros sur 90 000 euros mensuels. Ça veut dire que nous avons atteint 27% de notre objectif. Merci. Notre financement ne dépend que de vous. Si vos moyens financiers ne vous permettent pas de nous aider, vous pouvez toujours participer en partageant nos contenus sur les réseaux sociaux, en faisant connaître le média autour de vous ou, pourquoi pas, en distribuant nos flyers que vous pouvez télécharger sur notre site lemediatv.fr dans la rubrique « Participer ». Aujourd'hui, il nous reste 28 jours seulement pour arriver à l'équilibre financier. Sans vous, le média s'arrêtera. Notre modèle économique est inédit. Les sociaux et les donateurs qui financent le média participent à toutes et à tous à avoir un accès libre et gratuit à l'information indépendante. En finançant le média, vous financez l'information d'intérêt général. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Autre 20h. Au programme aujourd'hui, Serge Faubert s'intéresse au texte de loi adopté par le Sénat et qui pourrait restreindre notre liberté de manifester. Puis restez avec nous puisque juste après, cet Autre 20h, c'est Aude Lancelin qui vous attend pour un nouveau numéro de Vraiment Politique. Mais tout de suite, c'est l'actu. Alors que la Cour d'appel a confirmé ce matin le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal dans l'affaire Big Malion, l'ancien président tente le tout pour le tout afin d'échapper au procès et annonce qu'il se pourvoit en cassation. Pour rappel, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir mis en place un système permettant de dépasser le plafond légal des dépenses lors d'une campagne présidentielle grâce à la dissimulation de factures via la société de communication Big Malion. Non, rien de rien, Alexandre Benalla ne regrette rien. C'est ce qu'il a expliqué au juge au cours d'un interrogatoire qui a duré près de 9 heures. Au sujet des violences commises le 1er mai à l'encontre de deux manifestants, l'ancien chargé de mission de l'Élysée aurait notamment déclaré, je cite, « C'était la guerre civile, une partie de la classe politique et des médias sont du côté des casseurs, je le déplore. J'ai fait mon devoir et si c'était à refaire, je le referais de la même façon, je suis fier de ce que j'ai fait. » Voilà quelqu'un qui assume ce qu'il a fait, ce qui ne serait pas le cas de l'Élysée puisqu'Alexandre Benalla aurait raconté au juge avoir vu des messages s'effacer à distance de son téléphone professionnel lors de sa garde à vue en juillet. Les eurodéputés ont soutenu à une large majorité mercredi un texte visant à interdire les cotons-tiges, couverts, assiettes et autres pailles en plastique. Des produits à usage quotidien qui représentent à eux seuls 70% des déchets polluant les océans et s'échouant sur les plages. Mais pour l'eurodéputé France Insoumise Younous Omarji, auteur de l'amendement, ceci n'est qu'un premier pas vers le changement radical de notre mode de consommation. Je vous propose de l'écouter, il s'est exprimé hier à ce sujet au Parlement européen. Je remercie chaleureusement la plénière d'avoir voté l'amendement que j'ai déposé pour un grand programme européen de dépollution des océans et des continents plastiques. Je pense que c'est une avancée importante. Mais cela ne sera pas suffisant, car il faut un changement radical dans nos modes de production pour nous permettre d'éviter le pire et que demain, notre planète ne soit renommée la planète plastique. Nous sommes en fait déjà dans une catastrophe écologique majeure, avec des milliards de tonnes de plastique qui s'accumulent dans la nature et dans nos océans, avec aussi ce qui est moins visible, mais tout aussi nocif, ce sont ces microplastiques qui se retrouvent jusque dans l'air que nous respirons ou le sel que nous mangeons. Voilà pourquoi il faut maintenant en finir définitivement avec les demi-mesures et interdire enfin les plastiques à usage unique. Merci. Le Sénat a adopté le 23 octobre dernier une proposition de loi visant à prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations. Pour notre journaliste Serge Faubert, ce texte serait surtout un moyen de restreindre la liberté de manifester. On l'écoute. C'est une loi scélérate qui a été adoptée mardi au Sénat. Scélérate parce qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale, celle pour chaque citoyen de pouvoir exprimer ses opinions. Proposée par le sénateur LR Bruno Retailleau, adoptée grâce à une majorité LR centriste et indépendant, ce texte entend prévenir les violences lors des manifestations et sanctionner leurs auteurs. Une proposition de loi qui se veut une réponse aux violences du 1er mai. On écoute le sénateur Retailleau. Désormais, lors de chaque manifestation, nous assistons trop souvent à un déferlement de violence de plus en plus préoccupant de la part de groupes d'individus de plus en plus déterminés, mais aussi de plus en plus organisés. L'objectif de cette proposition de loi est donc de renforcer notre législation pour l'adapter au mode d'action de ces groupes. Et pour cela, je vous propose que la loi donne aux responsables de la sécurité publique, mais aussi aux forces de l'ordre, les moyens d'agir en créant de nouveaux dispositifs à la fois préventifs, mais aussi répressifs. Préventifs d'abord. Ainsi, des fouilles ciblées doivent pouvoir être organisées en amont et pendant ces rassemblements. Il doit être possible pour le préfet d'interdire à des individus violents de participer à ces manifestations. Au terme de la proposition de loi, les préfets pourront prononcer des interdictions personnelles de manifester, assorties le cas échéant d'une obligation de pointage dans un commissariat ou une gendarmerie. Ces interdits de manif seront par ailleurs inscrits dans un fichier national les recensant. Le texte indique que la décision d'interdiction du préfet s'appliquera à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Quelles sont ces raisons sérieuses ? Que la personne en question se soit déjà rendue coupable de violence à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique. Mais si l'individu n'a pas commis de violence par le passé, nous dit la proposition de loi, il suffit qu'il appartienne à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits violents. Je le confesse au préfet de police de Paris, je tombe sous le coup de cette loi. Il faut m'interdire de manif. Je connais des militants anarchistes qui veulent détruire l'État depuis parfois un demi-siècle. Je croise des militants corses qui ont de la sympathie pour la lutte armée, des trotskistes qui veulent renverser le capitalisme, des opposants au glyphosate qui travaillent à la ruine de Monsanto-Bayer. Je connais encore des syndicalistes qui veulent mettre à bas le CAC 40, sans parler de ces millions de gens qui veulent changer de président ou de constitution au besoin en multipliant les manifestations de rue, les grèves et les occupations avant le prochain scrutin. Bref, à ce compte-là, par capillarité, il est aisé de criminaliser tout le mouvement social et toute opposition. Voilà donc instaurer un délit d'intention. Ce n'est plus la commission d'une infraction qui est réprimée, mais le fait que tel ou tel individu puisse, selon la police, la commettre à raison de ses fréquentations ou de ses sympathies. C'est le retour de la loi anticasseur abrogée par François Mitterrand à son arrivée au pouvoir en 1981. L'extension du délit à tout un groupe, voire à l'ensemble d'une manifestation. Tous coupables. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, comme disait le fabuliste. C'est la porte ouverte à l'arbitraire le plus absolu, car cette proposition de loi confie à une autorité administrative, et non à un juge garant du débat contradictoire, le pouvoir de dire qui peut descendre dans la rue. Certes, les interdits de manif pourront toujours former un recours devant le tribunal administratif, mais les délais de jugement étant ce qu'ils sont, il s'écoulera bien des mois avant qu'on ne les retrouve derrière une banderole. Les sénateurs de La République En Marche, minoritaires au Palais du Luxembourg, ont voté contre la proposition de loi. Pas parce qu'ils la jugent liberticide, mais parce que le gouvernement a dans ses cartons un projet analogue au texte adopté par les sénateurs. En juin dernier, un groupe de travail sur les manifestations violentes a été mis sur pied. Il rassemble responsables policiers et hauts gradés de la gendarmerie. Écoutons ce que nous en dit le nouveau secrétaire d'État à la sécurité intérieure, Laurent Nouniès. Ce groupe, qui réunit encore une fois des opérationnels, des responsables des directions générales de la police, de la gendarmerie, rendra ses conclusions le 15 janvier prochain et est chargé de formuler des propositions qui auront vocation à nourrir lors de son cheminement ultérieur, le texte dont vous discutez aujourd'hui, s'il est adopté ce soir, donc aura vocation, bien évidemment, à être nourri, abondé de la réflexion que mène le groupe de travail qui a été mis en place par le gouvernement. Alors pourquoi je dis nourrir cette réflexion ? D'abord parce que si certains dispositifs qui sont inclus dans votre proposition de loi nous paraissent ne pas manquer de pertinence, il nous semble qu'il nécessite encore un travail d'examen complémentaire et de réécriture pour qu'il soit pleinement opérationnel. Et nous aurons l'occasion d'en débattre et d'en discuter à l'occasion de la discussion sur les articles. Il en est ainsi de la création d'un périmètre de protection permettant le contrôle des personnes pendant les 6 heures précédant une manifestation, de la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire à toute personne susceptible de se livrer à des violences de participer à une manifestation. Il en est également ainsi de la création d'un fichier des interdictions de manifester, ou encore de la transformation de la contravention de 5e classe de dissimulation illicite du visage à l'occasion d'une manifestation, transformation en un délit, permettant ainsi une signalisation de la personne, un placement en garde à vue et l'engagement d'une procédure rapide. Vous avez bien compris, le gouvernement trouve le texte mal fichu, mais il juge pertinentes les mesures les plus liberticides de ce dernier. Socialistes et communistes ont voté contre la proposition de loi. Membre de ce dernier groupe parlementaire, la sénatrice Éliane Assassi a ferraillé en vain contre le texte. Cette proposition de loi rogne clairement sur les libertés publiques, quoi qu'en disent ses défenseurs. Elle rogne notamment sur la liberté de manifester et nous laisse craindre une mise en place progressive des conditions permettant à terme de mettre fin à toute manifestation. Comme l'a évoqué mon collègue Pierre-Yves Collombat en commission, ne peut-on pas neutraliser quelques individus ultra-violents autrement qu'en violentant, une fois encore, les libertés publiques et en s'en prenant au code pénal ? Il est très inquiétant de constater que les articles 1 et 2 sont directement issus de la législation antiterroriste telle qu'aggravée l'année dernière suite aux nombreux renouvellements de l'état d'urgence et à l'instauration dans notre droit commun d'un certain nombre de dispositifs déployés dans ce cadre précis de menaces terroristes. Le droit d'exception continue donc de polluer notre droit commun au détriment des libertés individuelles et publiques. La proposition de loi doit maintenant être examinée par l'Assemblée nationale. Puis il y aura une navette entre les deux chambres. Mais il y a fort à craindre que le pouvoir exorbitant accordé au préfet soit confirmé avec le renfort du gouvernement. Ce serait un recul de nos libertés démocratiques. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sur son corsage blanc, juste à la place du cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure que qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur son corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Alors, votre livre part d'une interrogation commune. Dans le fond, pourquoi le monde va mal? Et comme vous êtes démographe, vous cherchez dans votre domaine ce qui cloche. Vous êtes convaincu que le malheur vient de lapsus, le malheur vient de l'économie. Et vous pensez que ce qui compte le plus aujourd'hui, ce sont les trois piliers que constituent la famille, l'école, la religion. Et vous faites le constat que nous vivons sur un modèle consumériste, hein, en clair le modèle américain, dites-moi si je me trompe ou pas dans la lecture de votre livre, en tout cas c'est ce que j'ai compris, où tout le monde dans le fond doit se ressembler dans cette grande vague qu'est la mondialisation. Alors un ouvrage plus apaisé que votre livre qui est Charlie, où vous aviez théorisé que la foule qui avait manifesté au lendemain de l'attentat Charlie était une foule, je cite, de cathos zombies bourgeois, plus tarot par une islamophobie que par les droits de l'homme. Alors vous écrivez que nous sommes malheureux parce que nous sommes uniformisés. Pourquoi ? Pas exactement, c'est une vision un peu radicale de ce que j'ai écrit. Moi je cherche à comprendre ce sentiment d'impuissance qu'on a. C'est-à-dire je ne nie pas du tout l'importance de l'économie, de la politique, de tout ce qui est conscient et de ce qu'on voit le plus en fait quand on regarde les informations. Je dis que si on veut comprendre ce qui est devenu une stagnation des sociétés développées, la baisse du revenu médian aux États-Unis, l'augmentation de la mortalité des Blancs de 45 à 54 ans aux États-Unis, et puis ce qui suit les États-Unis en Europe et ailleurs, il faut aller plus profond dans la structure sociale que la politique et l'économie. Donc je dis qu'il y a un subconscient qui est l'évolution de l'éducation, et en particulier de l'éducation supérieure. Et là, on va tout de suite constater, d'abord, à partir du milieu des années 60 aux États-Unis, à partir du milieu des années 90 en France, un blocage du développement de l'éducation supérieure, blocage de l'éducation supérieure qui a provoqué une stratification nouvelle de la société en supérieure, secondaire, primaire. Et rien qu'avec ça, je dirais, on peut comprendre le pessimisme qui se répand, puisqu'on n'était pas habitué à la stagnation éducative. Elle crée des frustrations. Et puis l'affrontement populisme-élitisme, puisque maintenant, il y a une masse d'éduqués supérieurs qui se pensent vraiment supérieurs, des éduqués primaires qui sont victimisés. Il y a ça. Et puis, alors, plus en profondeur encore, il y a la religion sous ses formes actives ou sous ses formes zombies, pas seulement catholiques zombies, et en interaction avec encore plus profond la famille. Et là, la diversité des structures familiales du monde permet de comprendre pas simplement les différences qui peuvent exister entre des pays très avancés et des pays en développement, mais même entre les pays avancés. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, l'analyse des structures familiales anglo-américaines d'une part, allemandes d'autre part, permet de saisir un mouvement de divergence culturelle. Le retour, je crois, avec le Brexit, Trump sous des formes semi-xénophobes, à une démocratie libérale fondamentale, et puis au contraire l'accentuation d'une tendance autoritaire sur le continent européen, avec en son cœur l'Allemagne, mais pas seulement en Allemagne. Pour revenir. Donc c'est une vision plus riche, mais qui ne se veut pas contradictoire avec tout. Mais la globalité n'est pas toujours facile à comprendre. Pour revenir à ce qui est, si on l'a bien compris avec Roselyne, l'idée force de votre livre, c'est que le monde va quand même mal globalement et que le modèle économique libéral, qui est le modèle dominant aujourd'hui, va mal, fonctionne pas bien, et que tout le monde le sait, le constate, l'analyse, l'explique éventuellement, mais que, comme vous l'avez dit et vous l'écrivez, il y a comme un sentiment d'impuissance aujourd'hui. Voilà. Mais ce sentiment d'impuissance, et que donc on trouverait des explications anthropologiques ou à travers les fondements de l'éducation, de la famille et de la religion. Mais aujourd'hui, ce sentiment d'impuissance, vous l'expliquez comment ? Ça correspond à une on est comme sidéré. Pourquoi n'y a-t-il pas de capacité à réagir face à ce système qui ne fonctionne pas? Si vous prenez la structure sociale, par exemple, ce que je décrivais, une structure sociale qui est devenue inégalitaire pour des raisons inhabituelles ou mal analysées. Vous savez, par exemple, on parle de la méritocratie comme d'un idéal, comme de quelque chose qui est formidable, et tout ce qu'on peut faire, c'est faire mieux dans le méritocratique. Mais le méritocratique, comme la méritocratie, le concept est d'un sociologue anglais génial qui, à la fin des années 50, avait forgé le mot méritocratie, c'est un système qui prétend sélectionner dans la population les meilleurs, en masse de plus en plus grande, qui trie la population et qui fonctionne avec une énorme machine inégalitaire qui fait que le concept de démocratie avec lequel on vit devient totalement inopérant. Il n'est plus vrai. Les gens parlent l'impuissance qui nous gouverne, si on peut dire, c'est d'être dans un monde qui emploie des mots qui ont perdu leur contenu. On est dans une société qui, au fond, ne croit plus en l'égalité. Ce que j'appelle academia, c'est-à-dire tout le système universitaire, éducatif, etc., c'est une machine à trier par le conformisme l'humanité. Et les gens qui arrivent en haut continuent à parler de démocratie. Et dans ce contexte, comment s'étonner de ce qu'on n'arrive pas à mettre en place les protections économiques, commerciales, qui permettraient de sécuriser la situation de l'ensemble de la population. Mais vous dites quand même que les structures familiales, éducatives, religieuses, vous venez de nous l'expliquer, prévalent sur l'économie. C'est pas simplement qu'elles prévalent, c'est qu'elles ont des rythmes, des temporalités différentes et qu'elles sont inconscientes. C'est-à-dire, l'économie existe, il faut gagner sa vie. Je suis un type raisonnable. Quand j'étais gamin, je suis passé par le Parti communiste, j'ai une solide formation marxiste. L'économie, les conflits de classe, tout ça, ça a une réalité historique. Mais les gens le savent, ça. Oui. Si vous voulez, donc les gens agissent en fonction de ce qu'ils savent. Par contre, la détermination par l'éducation, comme je l'ai dit pour la méritocratie, les gens ne le savent pas, donc ils n'ont pas l'instrument d'analyse qui leur permettrait d'agir. Et en ce qui concerne les structures familiales, par exemple, je veux dire, les énarques qui nous gouvernent ne savent pas que l'Europe elle-même est en divergence, ne comprennent pas pourquoi l'euro ne marche pas, ne comprennent pas pourquoi la Catalogne veut sortir de l'Espagne. Alors justement, vous n'aimez pas l'uniformité. Non. Ça c'est très important. Oui. Mon problème n'est pas ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. J'ai des goûts. Oui, vous constatez. Quand j'ai écrit Qui est Charlie, j'étais dans une sorte d'engagement citoyen un peu violent, avec une base scientifique. Pour ce livre-là, non, c'est un retour à l'histoire, à l'empirisme. Je fais des petites blagues, je ne peux pas m'empêcher. Oui. C'est moins embêtant à lire. Mais je ne prends pas parti. Je suis un empiriste de formation anglaise pour la recherche. Et l'important pour moi, c'est d'accepter la réalité indépendamment de ce que sont mes préférences. Oui. J'ai des préférences. Oui, mais vous les prenez d'ailleurs. Je n'ai pas. Et par exemple, sur la question de l'homogénéisation du monde, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais pour ou contre. En fait, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle se produit ou non. Elle ne se produit pas. Alors, juste avant de donner la parole à Frédéric, moi, vous avez parlé de la Catalogne, justement. Si on prend comme actualité la Catalogne par son exemple, son profond désir d'être indépendante, vous lisez comment ce mouvement à la lumière de votre thèse? Alors, je dirais que c'est un cas d'école, parce que les structures familiales de la Catalogne, c'est un cas de ce qu'on appelle la famille souche classique patrilinéaire. C'était un système paysan à héritier unique, très bien formalisé et conscient dans l'esprit des Catalans, comme le Pays Basque, comme l'Allemagne, comme le Japon. comme une partie du c'était ancienne, du quoi. Sud-Ouest français. Ouais. Non, non, il y a d'autres pays où dans le passé c'était pas du tout comme ça. Et c'est un système qui transmet des valeurs, je dirais, de différence entre les frères, entre les hommes, entre les pays. Dans le cas de la Catalogne, ça se mélange à quelque chose de très particulier dans la Catalogne médiévale, c'est-à-dire que ce système souche a permis la floraison d'un système de représentation oligarchique qui a plutôt fait tomber la Catalogne du côté républicain. Donc ça, c'est le contexte général. La Catalogne a une propension tout à fait classique pour un pays souche à penser qu'elle est différente des autres. Les Allemands ont ça, les Japonais ont ça, vous voyez, c'est banal pour un anthropologue, en fait. Et là, ça se passe dans un contexte où l'économie de la zone euro, quoi qu'on dise au jour le jour, est globalement paralysée. Le système étatique espagnol global est paralysé. Il nourrit le désespoir, puisque le taux de chômage reste, je crois, à 18%. Les gens ne pensent que de réduction des déficits. C'est un puits sans fin. Et dans ce puits sans fin ou sans fond, comme vous préférez, l'identité catalane, qui est naturellement forte, sert de valeur refuge. Oui. C'est pas juste qu'ils ne veulent plus payer la sécu des autres, c'est qu'ils veulent instinctivement sortir de ce puits qu'est devenue l'économie espagnole dans la zone euro. Donc ça ne pose aucun problème. Simplement, le problème que ça pose maintenant, c'est que quand on connaît l'histoire de l'Espagne sérieusement et la propension de l'Espagne à la violence politique, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Espagne, ça n'est pas le début, le tout début d'une marche à la guerre civile. Alors, vous avez parlé de ce temps très long, puisqu'au fond, votre ouvrage, il porte sur un temps extrêmement long. Et ce que vous dites, c'est que, d'ailleurs, je vous cite, vous dites « le conscient économique fonctionne à l'échelle de 50 ans, le subconscient éducatif de 500 ans et l'inconscient familial de 5000 ans ». Pour essayer de comprendre, au fond, votre raisonnement, est-ce que ça veut dire que les sociétés et les individus qui les composent sont aujourd'hui, en partie, le fruit de ce qui s'est passé dans ces différents domaines, donc il y a 5000 ans, 500 ans et 50 ans? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est des individus. L'homo economicus existe. Les gens préfèrent gagner plus et travailler moins, même s'ils ont aussi besoin de travailler. Donc vous voyez bien que l'économie, pour vous, l'économie fait le malheur des hommes, en quelque sorte. Non, pas du tout. Pas du tout. L'économie est nécessaire, mais simplement, elle fonctionne. Oui. Non, mais je veux dire, l'économie... Quand vous regardez des populations de chasseurs... Comment? Pas une économie mondialisée, globalisée. Non, mais je veux dire, l'économie, il y a toutes sortes d'organisations économiques. Moi, mes conceptions économiques, elles sont banales. Je pense que seul le capitalisme est possible. Je pense que seul le capitalisme apprivoisé et régulé à une échelle raisonnable, c'est-à-dire nationale, peut bien fonctionner. Et je pense qu'avec le capitalisme globalisé, on a été trop loin. Oui. Et c'est ce que les Américains ont montré qu'ils comprenaient en élisant Trump. Mais si on s'intéresse au modèle et au rapport entre l'économie, le subconscient familial, l'inconscient familial et le subconscient éducatif, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'activité économique des hommes en tant qu'individus qui se défendent, qui se battent pour gagner leur vie, se passe à l'intérieur de systèmes culturels, anthropologiques, dont ils ne sont pas conscients. C'est pour ça que l'économie allemande fonctionne autrement que l'économie française. Dont ils ne sont pas conscients, mais est-ce qu'ils en sont maîtres? Comment? Écoutez, je ne sais pas s'ils peuvent s'en rendre maîtres, mais ce qui est sûr, c'est que quand on ne peut pas analyser et comprendre quelque chose, on ne peut pas s'en rendre maître. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens acceptaient de regarder cette réalité anthropologique du monde, la diversité des sociétés, y compris des sociétés avancées, on pourrait tenter une coordination intelligente des aptitudes des diverses sociétés. Mais si on reste dans un modèle de type « tout le monde est pareil, la société n'existe pas », etc., on aboutit à des trucs comme le libre-échange généralisé qui fait baisser la demande globale à l'échelle planétaire et qui crée des crises. Et en Europe, on construit l'euro qui nous colle, en France en particulier, un taux de chômage de 10% éternel. Emmanuel Tolle, si les gens sont si différents, comment peuvent-ils, ou les pays, ou les économies, tout ce que vous voulez. Les systèmes sociaux, s'ils sont si différents, comment on peut vivre en paix? mais les uns avec les autres. Mais non, je veux dire, vous êtes extraordinaire ce que vous dites, parce que vous dites, en fait, vous êtes dire, si on est différent, on doit se taper sur la gueule. Non! Si on est différent et conscient, si vous êtes anthropologue dans une société avancée, très éduquée, vous pouvez peut-être essayer de faire passer aux gens l'idée que finalement, l'homme est une chose fragile. L'homme naît, c'est un animal évolué qui découvre le problème de la mort, qui ne peut plus se contenter d'une simple survie économique. Et vous pouvez voir l'histoire des sociétés et l'histoire humaine comme une tentative, des tentatives très diverses pour donner un sens conventionnel à la vie dans divers lieux. Ça n'est pas le même sens partout. Mais on peut se mettre d'accord sur le fait que plusieurs types sens donnés à la vie dans divers types de sociétés sont, je dirais, tout à fait compatibles si on n'en fait pas une sorte de purée globale écrasée et respectée. Ça n'est pas du multiculturalisme. Je suis plutôt pour l'homogénéisation en interne des sociétés. Mais on peut accepter l'idée que des sociétés différentes existent. Enfin, on peut accepter ce que je fais dans mon livre, accepter que la Russie de Poutine soit une démocratie autoritaire qui correspond à certaines traditions du peuple russe. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis qu'on ne peut pas, ça ne sert à rien de se mettre dans une posture où on se raconte simplement que Poutine et la Russie sont innommables. Mais finalement, vous êtes le théoricien du souverainisme. Non, j'aime pas trop le mot souverainisme. Et puis, si vous voulez, moi, je suis un peu comme ce théoricien allemand du début de la première moitié du 19e siècle, Friedrich Lies, qui a fait la théorie du protectionnisme. Je dirais que je suis un national généralisé. C'est-à-dire, j'ai tendance à bien aimer toutes les nations. C'est-à-dire, Lies, c'était un nationaliste allemand, c'était un nationaliste français quand il vivait en France, c'était un nationaliste américain quand il a vécu aux États-Unis. Et moi, j'ai des préférences, c'est vrai. J'aime la nation américaine, j'aime la nation anglaise, j'aime la France, c'est mon pays, c'est normal. J'ai une passion pour la Hongrie. J'adore le Japon. Oui, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Et contrairement à ce que disent les gens, j'ai une sorte d'intérêt conjoint pour ces pays que sont la Suède et l'Allemagne. Dans mon bouquin, tout le monde m'accuse d'être germanophobe, etc. Il y a dans mon livre un chapitre qui montre la contribution extraordinaire de l'Allemagne par l'alphabétisation universelle et le protestantisme au décollage de l'Europe. Je pense qu'on peut être, on peut aimer sur un plan, même si on appartient fondamentalement qu'à une seule nation, ou peut-être à deux, on peut aimer plein de nations. Il faut qu'on dise un petit mot d'Emmanuel Macron, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Vous voulez vraiment, ça vous paraît vraiment indispensable? Vous dites, déjà c'est un élément de réponse. vous dites que Emmanuel Macron va à l'échec aussi sûrement que François Hollande, mais vous dites sans doute beaucoup plus vite parce qu'il est très rapide. Oui, mais si vous voulez, je sais pas comment dire, on parle des. En fait, c'est Emmanuel Macron qui a commencé à parler des intellectuels comme si lui-même était un immense savant qui avait tout lu, ce qui est en soi plutôt déplaisant. Comme je dis, il va vous répondre que vous êtes animé par l'esprit de défaite. Vous dites que c'est un modeste inspecteur des finances, c'est ça ? Mais si vous voulez, je vais vous dire franchement, pour moi, Macron, c'est un produit du système français. Il est, je voudrais pas être désagréable, mais le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est franchouillard. C'est-à-dire que moi, j'essaye de travailler dans ce livre. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre sur la France dans mon livre, donc je ne veux pas dire que je cible, etc. Je veux dire, il y a le tiers du livre est sur la dynamique du monde anglo-américain. Il y a un chapitre comparatif sur l'Allemagne et le Japon, un chapitre comparatif sur la Russie et la Chine. Et il y a un effort pour comprendre la dynamique globale de l'histoire humaine en termes de systèmes familiaux depuis la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Je veux dire, c'est une vision large de l'histoire. Alors, le deuxième mot qui me vient, ayant décrit cette vision large, c'est qu'on ne devrait pas l'appeler Macron, mais Micron. Vous voyez, je veux dire, c'est vous qui m'avez demandé. Bon, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas. Je voudrais dire qu'il ne faut pas que les hauts fonctionnaires, car c'est un haut fonctionnaire à l'origine, se mêlent de la vie intellectuelle de leur pays. Ils ne sont pas qualifiés. Comment s'est passée, Charline Vanhoenacker, la visite du président de la République aux Antilles? Oh, super, c'était super. Il est plus du tout arrogant, il a changé. Vous avez vu les images? Il aime les gens. Maintenant, il les serre dans ses bras, il les embrasse, il console les enfants. Depuis ce week-end, Emmanuel Macron, c'est les Didi. Ah, on a eu peur, avoué. Moi, je le voyais très bien dire quoi? La toiture s'est effondrée. Allez, moi, je traverse la rue, je trouve trois clous du Shutterton, c'est réglé. Et avec toute cette flotte qui s'est abattue ce week-end, je vous avais pas dit que ça allait ruisseler? Ben non, rien de tout ça. Le président a fait un gros travail sur lui. Il a réussi à ne froisser personne. C'est un tel exploit qu'hier, ça faisait la une des journaux. Et quand il s'est retrouvé dans un quartier sensible avec ses deux jeunes torse nus, là, vous avez vu, hein? Oh, il a tellement regretté de pas avoir emmené des t-shirts perlimpinpin à distribuer. Il y avait un coup à jouer, là. Il a dit à l'un des jeunes, ta mère mérite mieux que ça. Bon, en gros, ça voulait dire, ta mère mérite mieux que la politique publique qui est appliquée, alors je compte sur toi pour rattraper le coup. Ça y est, Manu. Ouais, parce que, ouais, on peut l'appeler Manu sans se faire maintenant, c'est génial. Manu, il est proche des gens. Parfois, c'était limite too much. Quand, par exemple, il a demandé une clé de 12 pour réparer une fuite de robinet chez une dame. Bon, il n'a pas hésité à salir. Hein. Il a même marché dans la boue pour montrer sa détermination. Je vous raconte pas comment Christophe Castaner va galérer pour redonner aux chaussures le réglage d'origine. Hein. Bon, vous lui demanderez, il vient tout à l'heure. N'empêche que les efforts du président ont payé. Dans un article publié sur le site du Figaro, on peut lire à propos d'un échange avec un jeune. Le président lui répond sur un ton aimable et avec un air concerné. Aimable et concerné. Vous avez vu le progrès? En revanche, sur le fond, il dit pareil qu'avant. Hein. Tout le monde devra bosser plus pour le même salaire. Mais voilà, c'est dit sans arrogance, avec humilité. Et comme ils ont dit sur BFM TV, c'est le temps de la pédagogie. Vous savez, c'est ce mot qui commence comme pédalage et qui finit comme démagogie. Bon, seul petit bémol, il a ponctué son discours en appelant à l'aide les Français. Et débarquer de Paris sur des îles sinistrées pour demander à l'aide aux habitants, ça c'est culotté. Mais à part ça, tout nickel. Plus la moindre petite phrase à signaler. Bon, alors du coup, désolé, il n'y aura pas de nouveau t-shirt pour la boutique de l'Élysée. Merci Charline Vanhoenacker. Alors, en suivant l'actualité, qui a souvent des petites phrases, moi j'aime bien les petites phrases. Moi je me plains jamais, je revendique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas une plainte. Moi je suis pas dans le, vous voyez, dans le misérabilisme. On revendique pour obtenir des avancées et on n'est pas que contre la CGT. On se contente pas de l'existant, on revendique pour des réformes, mais des réformes positives. Vous voyez, il suffit pas de sauter comme un cabri en disant la réforme. Non, il y a des bonnes et des mauvaises réformes. Et ma santé de Val 2, c'est une mauvaise réforme. Il faut le dire pourquoi. Parce que M. Macron, quand on l'écoute, il peut effectivement, on peut trouver des choses positives. J'ai trouvé même que tu as été un peu trop positif par rapport à ces propositions. Parce que les choses positives, c'est uniquement sur le constat de l'existant. Oui, c'est la catastrophe. Le système de santé est en train de s'effondrer. Il ne peut pas le nier parce qu'il y a la population qui pousse derrière. Le sentiment majoritaire, c'est que notre système de santé, aujourd'hui, va très mal. Donc, il est obligé de faire des propositions. Alors, vous savez, comme il a un ego un petit peu hypertrophié, il nous a dit qu'il allait faire une réforme pour 50 ans. Et il se comparait à la politique de la fin des années 50 et début des années 60 du général de Gaulle. Alors vous savez que bon, la CGT n'était pas trop en phase avec de Gaulle. Mais quand même, à l'époque, ce qui a motivé la réforme de 1958, c'est-à-dire qu'on avait les hospices, c'était la misère quand même. Hein. Voilà, il y avait des cliniques pour les riches. Ça a été une transformation de notre système de santé qui a abouti au fait qu'au tournant des années 2000, la France était placée comme le pays qui avait le meilleur système de santé au monde. Mais pourquoi? Parce que la réforme de 58, elle s'appuyait sur deux piliers qui ne sont pas ceux que propose aujourd'hui M. Macron, qui sont le service public et la planification dans le cadre de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas du tout la logique actuelle. La logique actuelle, c'est bien de revenir à l'histoire, et en particulier Ambroise Croizat, parce que vous savez, Ambroise Croizat, 47, les ministres communistes qui sont éjectés du gouvernement, et la scission de la CGT, avec la création de FO, financée par la CIA, parce qu'il y avait le péril communiste. Et donc, il faut revenir à 47, pourquoi? Parce qu'en 47, les économistes de ce qu'on appelle l'école de Chicago ont théorisé la revanche, qui a été prise à partir des années 80 des libéraux. Deux grands secteurs échappaient au système marchand et au capital, l'éducation et la santé. Et pour eux, ça, c'était inacceptable. Et donc la revanche, elle a commencé avec Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis. À quoi Thatcher s'est attaqué en premier? Au système de santé anglais, le National Health Service. Le National Health Service, c'était le socialisme, hein, la médecine gratuite prise en charge par l'État. Sauf qu'il y a un risque. C'est quand le secteur de la santé est financé par l'impôt, il suffit que vous ayez un changement politique, qu'on diminue les impôts et le système s'effondre. Et on a vu au tournant des années 90, eh bien, des patients qui traversaient la Manche pour venir se faire soigner dans les hôpitaux français. Reagan aux États-Unis, bon, c'était déjà un système libéral, mais quand même, c'était pas aussi libéral que ça. Parce que jusque à cette période, persistaient des éléments de la politique keynésienne menée par Roosevelt. Avec, vous savez que jusque à la fin des années 60, les États-Unis prélevaient un impôt marginal sur les plus hauts revenus à 90%. À 90%. D'accord ? Hein, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a trop d'impôts. Non, non, enfin, je veux dire, il faut aller chercher de l'argent. Là où il est, pourquoi ? Pour financer le système de santé pour les pauvres, hein, parce que les riches vont prendre des assurances, mais Medicare. Donc, et pour nous, en France, le tournant de la rigueur, c'est 1983, Mireille Beauvoir. Vous voyez, c'est à cette période-là. Le numerus clausus qui avait été imposé en 71, il a été drastiquement aggravé dans ces années-là par le gouvernement dit de gauche. Monsieur Philippe Évin, c'est lui qui a maintenu le numerus clausus à moins de 4 000. À moins de 4 000. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de 12 000. Parce que ceux qui partent à la retraite, les médecins aujourd'hui, c'est les gens qui ont été formés au début des années 70. Ils étaient 10 à 12 000. Donc comme les besoins ont augmenté, que la population a augmenté, et qu'il y a un vieillissement, on a besoin de plus de médecins. Et que la force de travail des médecins d'aujourd'hui n'est pas celle de ces années-là. Le médecin disponible 24 heures sur 24, ça n'existe plus. Hein, tout le monde a une aspiration, oui, il a travaillé, mais aussi avoir des périodes de repos, y compris les médecins. Donc, il faut se replacer dans ce contexte pour savoir ce qu'on revendique. Donc, tout ce qu'on revendique aujourd'hui à la CGT, c'est de revenir à de l'aménagement du territoire, à de la planification et aux services publics. Donc, les maisons de santé professionnelles, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut des centres de santé. C'est pas la même chose. Mais on veut des centres de santé. Effectivement, on regroupera les médecins, mais pourquoi on les regroupera? On regroupera les médecins, les infirmières, les aides-soignants, le personnel administratif, parce que pour pouvoir travailler en bonne condition, aujourd'hui, on ne peut pas être tout seul dans son cabinet. C'est pas possible. Il faut du travail collaboratif parce que la médecine du 21e siècle, ce n'est pas celle du 20e siècle. Aujourd'hui, les patients qu'on doit prendre en charge, ce sont essentiellement des patients de plus de 50 ans polypathologiques. L'objectif, ce n'est pas de faire un diagnostic, de prescrire un traitement pour guérir, c'est de maintenir en meilleur état de santé possible le plus longtemps possible. Et ça, ça ne peut pas se faire tout seul dans son cabinet isolé. Ça nécessite des équipes. Et les équipes pour qu'elles travaillent, eh bien, il faut qu'elles soient salariées dans des structures qui s'appellent des centres de santé. Et il n'y a pas besoin d'inventer les nouveaux métiers que seraient ces fameux collaborateurs, ces assistants médicaux. Quand vous êtes dans un centre de santé, vous avez du personnel administratif qui gère l'administration, et puis vous avez des aides-soignants, des auxiliaires de périculture. Mais par exemple, c'est un centre de PMI. C'est quoi l'auxiliaire de santé dans un centre de PMI? C'est l'auxiliaire de périculture qui accueille un moment avec l'enfant, qui déshabille l'enfant, qui le pèse, qui vérifie les vaccinations, qui commence à faire l'interrogatoire. Et quand l'enfant vient avec la mère dans le cabinet du médecin, ben le médecin fait son travail. Le médecin. Voilà. Et on gagne du temps médical. Parce qu'on travaille ensemble. S'il y a un problème social, eh bien, il y a l'assistance sociale. Vous voyez? Donc forcément. Et donc, quelle est la meilleure organisation? Ce que propose la CGT aujourd'hui, c'est simple. On analyse les besoins sur un territoire. Et on y répond par le service public, des centres de santé rattachés aux hôpitaux, avec du personnel salarié sous statut de fonctionnaire. Sous statut de fonctionnaire. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et on a le statut de la fonction publique hospitalière. Je peux vous dire aujourd'hui, est-ce que la CGT, elle rêve? Non, la CGT, elle ne rêve pas. Parce que dans un département qui s'appelle le département de la Saône-et-Loire, qui est présidé par les Républicains, ils ont tout tenté. Les maisons de santé professionnelles, ils ont construit des bâtiments payés par les impôts locaux, même un transfert de charges, et il n'y a personne dedans. Ils ont venu un médecin roumain, ils sont venus, ils sont repartis chez eux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'a décidé le président sous la pression de la population? Parce que, voilà, c'est pas la droite, vous savez, je suis de la droite et de la gauche, hein, il y en a qui sont plus libéraux, qui se disent de gauche, mais les mecs de droite qui restent sur les valeurs d'aménagement du territoire, etc. Voilà, voilà, un certain nombre de valeurs gaullistes. Et bien, ils ont créé un centre de santé départemental. Avec, ils ont prévu une trentaine de sites sur le département. Et ils ont prévu d'embaucher 50 médecins, salariés. Ils ont déjà embauché 17. Et là, là, il y a 10 jours, le président du conseil départemental a dit « Je vais vers les 50 médecins et j'ai déjà plus de candidats que de postes. » Pourquoi? Parce que les jeunes aujourd'hui, ils préfèrent être salariés. Vous savez, les jeunes médecins, 60%, ce sont des jeunes femmes. Eh bien, premier congé de maternité, elles comprennent ce que c'est la différence entre un salaire et être en libéral. Okay. Quand vous êtes en libéral, faut que vous preniez une assurance de perte d'activité. Hein. Autrement, vous ne touchez rien. D'accord ? Quand vous êtes salarié, parce que nos anciens se sont battus, il y a quand même la sécurité sociale et il y a eh bien, le maintien du salaire quand on est en congé de maternité. Donc ça, c'est important de prendre en compte cette réalité-là. Donc on ne rêve pas. Ça se fait déjà en France. Ça se fait déjà en France. Tout ce qu'on note, c'est la généralisation. C'est pas, comme le dit M. Macron, créer 400 postes de médecins salariés pour aller là où personne ne veut aller. Non. C'est que aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est clair, c'est que toutes les mesures incitatives d'installation des médecins qui ont été prises depuis 20 ans ont été inefficaces. Les zones qui étaient déficitaires sont encore plus déficitaires aujourd'hui. D'accord ? Donc, il faut déclarer clairement les choses. L'installation des médecins ne se fera plus que dans des centres de santé qui seront ouverts là où il y a des besoins, sur la base du salariat. Ça ne veut pas dire qu'on impose aux gens d'aller travailler, vous voyez, au fin fond de la Corrèze, parce qu'il n'y a personne. Non. Quand les gens sortent des facs de médecine, eh bien, ils ont des postes qui sont ouverts, et puis ils déposent leur CV, et puis ils vont travailler là où ils veulent. Là où ils veulent, ils déposent le CV, s'ils sont pris, ils travaillent là. Mais il n'y a pas de honte à ça. Aujourd'hui, pourquoi le médecin il pourrait s'installer où il veut, cette fameuse liberté d'installation, c'est les principes de la médecine libérale qui datent des années 20 du siècle dernier. C'est obsolète, c'est vieux. Liberté d'installation, rémunération à la poubelle. On a besoin aujourd'hui, effectivement, quand un médecin sort d'un fac de médecine, eh bien, il pourra choisir là où il va travailler, mais sur des postes qui sont ouverts en fonction des besoins. Comme un ingénieur qui sort de Polytechnique. Il ne va pas travailler où il veut. Là, il a envie d'aller dans l'industrie aérospatiale, et ben, ce sera plutôt à Toulouse ou à Nantes. Voilà. Ce ne sera pas à Paris. Ben voilà, c'est normal. Et donc, pourquoi le statut de la fonction publique? Parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Nous, on est clair, la CGT, hein. On l'oublie un peu, mais dans nos repères revendicatifs, on a une revendication qu'on oublie un petit peu, c'est que nous disons clairement, l'argent de la sécurité sociale ne peut aller qu'au service public, ou au privé non lucratif. Donc la proposition de la CGT, c'est que les établissements privés à but lucratif ne doivent plus avoir d'agrément sécurité sociale. Pourquoi? Parce que, entre il y a 30 ans et aujourd'hui, il y a 30 ans, les cliniques privées, c'était l'outil de travail des médecins. Bon, ils étaient propriétaires de l'outil de travail, et puis vous avez le choix entre la clinique et l'hôpital. Bon, c'était l'histoire. Bon. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ce sont des grands groupes internationaux, dont celui qui a été créé il y a 2 ans avec l'aide du gouvernement, avec l'aide de M. Hollande, je vais vous donner quelques éléments parce que vous n'êtes pas très loin du Luxembourg, donc ça nous intéresse. Le groupe L100, qui se développe énormément dans la dernière période, c'est des fonds qui viennent d'un des principaux fonds d'investissement anglo-saxons qui s'appelle CVC Capital Partners, dont le siège est au Luxembourg. C'est-à-dire qu'avec le BNF qu'ils font en France, ils défiscalisent au Luxembourg. Et comment ce groupe s'est créé? Parce que ce qui les intéresse, c'est faire du business sur l'activité de soins. Pas d'investir dans des locaux. Puisque ça, c'est du capital stérilisé, vous voyez, les murs. Eh bien, ils n'ont pas acheté les murs. La Caisse des dépôts et consignations, avec sa filiale, le groupe Icade, c'est-à-dire l'outil financier de l'État, a mis 600 millions d'euros sur la table pour acheter les murs des cliniques. OK? Voilà. Ça a été permis par le gouvernement de M. Hollande. Et M. Macron poursuit, puisque ICAD, qui est la filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, qui a été filialisée, en partie privatisée, il y a quelques années, il faut savoir que c'était l'outil de la Caisse des dépôts pour construire et gérer du logement social. Aujourd'hui, ils investissent dans les murs de cliniques. Ils ont mis 600 millions d'euros dans ICAD, ils ont mis aussi dans d'autres groupes. Aujourd'hui, ils ont pour 3 milliards d'euros de murs de cliniques avec une rentabilité à 10%. 300 millions d'euros de bénéf. D'accord ? Voilà. La Caisse des dépôts et consignations, et qui, quel est l'argent qui va à la Caisse des dépôts et consignations ? C'est notre argent. Tout le monde a livré de caisse d'épargne. Mais l'argent des livrets de caisse d'épargne, ça va à la Caisse des dépôts. C'était pour le financement de l'investissement public. Construire une piscine, une école, des HLM, c'était à ça que ça devait servir. Aujourd'hui, c'est utilisé pour restructurer un des secteurs les plus rentables aujourd'hui, qui est le secteur privé de la santé. Et quand on vous dit qu'en France, il y a trop de services publics, non, nous sommes le pays européen où la part de l'hospitalisation privée lucrative est la plus importante. L'hospitalisation privée à but lucratif en France a 33% de part de marché et 50% en chirurgie. Sans compter l'ouverture de ce qu'ils appellent l'orgie de la silver economy, le marché des EHPAD. Ok ? Donc c'est un gros business. Si des groupes étrangers, CVC Capital Partner pour le premier groupe de cliniques en France, Ramsay, deuxième groupe, l'ancienne générale de santé, c'est des fonds australiens. Pensez-vous qu'ils investiraient en France si ce n'était pas rentable ? Donc l'objectif de ce gouvernement, c'est d'accélérer ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire l'ouverture du marché de la santé au grand capital international. Il faut être clair, si on n'est pas dans cette... si on n'analyse pas ça, forcément c'est difficile de se battre. Alors donc le plan de M. Macron, ça ne va pas du tout. Parce que, je vous ai dit, voilà, c'est pas... Nous c'est simple. Et pourquoi c'est simple ? Parce que regardez, on manque de médecins. Oui, on manque de médecins, mais si on fait faire que de la médecine aux médecins, on gagne en force de travail. Hein. Le médecin à 39 heures salarié, il est plus performant que le médecin libéral dans son cabinet. Hein. À la différence de ce que disent certains libéraux. Et ensuite, pourquoi des centres de santé rattachés à l'hôpital ? Parce que ça permet d'utiliser au mieux. Les spécialistes viennent faire quelques consultations dans le centre de santé. Oui, il y a besoin d'un ophtalmo toute la semaine, il va faire quelques consultations. Et le généraliste, il aime bien aussi venir travailler à l'hôpital de temps en temps. Vous voyez, faire une petite vacation dans le service de médecine, dans l'EHPAD, etc. Si c'est le même statut, aucun problème. Le dossier médical partagé pour lequel on a mis 800 millions d'euros à la poubelle, eh bien, si le centre de santé et l'hôpital fonctionnent ensemble, c'est le même système d'information. Vous avez les mêmes ordinateurs, donc le dossier du malade, il n'y a aucun souci. Vous voyez ? Donc c'est pertinent. Et en termes de gestion du personnel, quand vous avez un hôpital qui a 1000 salariés, vous lui rattachez 5, 6, 10 centres de santé avec 150, 200 salariés. C'est pas un problème. L'administration même a effectif quasiment constant. Vous voyez, on n'est pas trop revendicatif. Il peut gérer ce personnel supplémentaire. Donc c'est économiquement performant. Mais effectivement, c'est là qu'il y a la bataille idéologique, c'est le service public. Vous voyez ? Si on bascule vers le système marchand, eh bien effectivement, on laisse des investisseurs, le rôle d'un investisseur, on peut être pour compte le marché. Mais le constat, c'est qu'un investisseur, il veut un meilleur retour sur investissement et le plus rapidement possible. Ok ? Thank you. D'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, je vous emmène plonger dans l'une des mers les plus fascinantes du globe, la mer Rouge, qui séduit tellement les touristes pour ses eaux limpides et chaudes, ses coraux, ses algues pourpres, de là viendrait le nom rouge, et ses poissons multicolores. La mer Rouge qui fascine aussi et surtout parce qu'elle est devenue au fil du temps un trait d'union entre trois continents, Asie, Afrique et Europe, depuis la percée du canal de Suez en 1869. Ce canal stratégique, objet de nombreuses tensions, on aura l'occasion d'y revenir. Alors tout de suite, voici le dessous des cartes de la mer Rouge, une mer passionnante parce que devenue déterminante, à la fois pour le commerce mondial et la guerre d'influence que s'y livrent les grandes puissances, tout particulièrement l'Arabie Saoudite et l'Iran. En clair, vous allez voir, le monde entier s'y croise. La mer Rouge qui pourtant, au départ, n'était qu'une impasse, un cul-de-sac inhospitalier, une cuvette d'eau salée au milieu des déserts. Large d'à peine 250 km, la mer Rouge forme d'abord un trait d'union, on l'a vu, entre deux continents, l'Afrique d'un côté, l'Asie de l'autre. Ourlant à l'ouest les côtes désertiques de l'Égypte, du Soudan, de l'Érythrée et de Djibouti, ces eaux chaudes baignent à l'est les États du Proche et du Moyen-Orient, Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Yémen. À première vue donc, rien d'autre qu'un grand lac salé, enclavé dans des terres peu densément peuplées, mais politiquement agitées. Sauf que cette longue bande de mer étirée sur 2500 km met en fait en relation deux espaces majeurs d'échange et de communication à l'échelle planétaire, la mer Méditerranée d'un côté, l'océan Indien de l'autre. Au sud, la mer Rouge débouche dans l'océan Indien par le Bab-el-Mandeb. Il s'agit d'un goulet naturel d'à peine 30 km de large en son point le plus étroit, dont le nom est généralement traduit par « porte des lamentations ». Au nord, la mer Rouge communique avec le bassin méditerranéen par un autre canal, artificiel celui-ci, le canal de Suez. Depuis le golfe de Suez, ce petit bras d'eau qui remonte jusqu'à Port Saïd sur moins de 200 km a modifié à lui seul toute la géographie mondiale des transports depuis son inauguration en 1869. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'avant l'ouverture du canal de Suez, pour rejoindre l'Europe, les marchandises embarquées en Asie devaient traverser tout l'océan Indien jusqu'au Cap de Bonne-Espérance et contourner ensuite l'Afrique du Sud pour remonter vers Londres. Avec l'ouverture du canal de Suez, le temps de transport entre Bombay et Londres a soudain été divisé par deux et 150 ans après son inauguration, le canal de Suez reste toujours un trait d'union vital entre l'Europe et l'Asie. Sous la mer Rouge circulent en effet des kilomètres de câbles, vecteur indispensable des communications Internet aux quatre coins de la planète. Rappelons en effet que 90% des communications Internet passent aujourd'hui par ces câbles posés au fond des mers. Et puis surtout, en surface, la mer Rouge est quotidiennement sillonnée par des porte-containers en transit entre l'Europe et l'Asie orientale, sillonnée aussi par des pétroliers, par des méthaniers venus du golfe Persique, par des vraquiers et des remorqueurs. Bref, la mer Rouge est aujourd'hui un segment névralgique de la route eurasiatique, l'un des axes maritimes les plus fréquentés au monde. On l'a dit, il existe deux verrous stratégiques en mer Rouge, celui du canal de Suez tout d'abord, qui a déclenché tellement de crises au XXe siècle. Des années 50 aux années 70, notamment après la décolonisation, le canal est un des enjeux du nationalisme égyptien et arabe face aux anciennes puissances coloniales. Le canal de Suez qui sera bien sûr aussi au cœur du conflit israélo-palestinien. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, les tensions autour de Suez semblent apaisées. Elles restent vives, en revanche, autour du deuxième verrou stratégique de la mer Rouge, le Bab el-Mandeb. Le Bab el-Mandeb est le quatrième passage maritime mondial pour le transport des hydrocarbures, juste derrière le canal de Suez, avec 5 millions de barils transitant chaque jour, ce qui attise au passage la convoitise des pirates, notamment somaliens. Dans le golfe d'Aden, le nombre d'attaques réussies ou programmées a connu un pic inquiétant au début des années 2010, avant de se réduire considérablement grâce au déploiement de l'opération Atalante de l'Union européenne, en coordination avec les navires américains et chinois notamment. Sur la rive sud du golfe d'Aden, donc, la piraterie est actuellement au plus bas, mais c'est la rive nord qui connaît depuis 2014 un autre facteur de déstabilisation majeur, la guerre du Yémen. Entre 2014 et 2015, les rebelles houthis, chiites et soutenus par l'Iran ont conquis une large partie du territoire yéménite, prenant notamment le contrôle des ports d'Odeïda, de Mokka et même d'Aden, ce qui a immédiatement entraîné une réaction musclée de l'Arabie saoudite voisine. La coalition sunnite menée par Riyad a permis de reprendre le port d'Aden dès 2015, puis celui de Mokka en 2017, et elle a lancé à l'été 2018 une offensive pour reprendre Odeïda, le plus grand port du Yémen. Par alliés interposés, on voit donc que le conflit yéménite importe en fait sur les rives de la mer Rouge cette guerre d'influence que se livrent au Moyen-Orient les deux grandes puissances rivales de la région, l'Iran et l'Arabie saoudite. Il faut dire que le littoral de la mer Rouge a pris une importance cruciale pour Riyad. Au large, la compagnie nationale Saudi Aramco prospecte depuis 2013 un gigantesque gisement de gaz offshore. Les réserves de la mer Rouge pourraient atteindre 100 milliards de barils, sans même évoquer le potentiel en nodules polymétalliques. Sur la côte, Saudi Aramco exploite déjà la raffinerie géante de Yanbu, point d'arrivée des deux grands pipelines qui acheminent le pétrole et le gaz extrait dans le golfe Persique. Défendre ses positions en mer Rouge, pour Riyad, c'est donc d'abord assurer l'avenir de sa manne pétrolière. Le royaume saoudien, d'ailleurs, voit grand pour le développement de ses côtes occidentales. Il prévoit ainsi de moderniser le port de Jeddah, principal port commercial du pays et porte d'entrée des pèlerins en route vers la Mecque et Médine. Il prévoit surtout de créer une dizaine de villes nouvelles et des pôles de tourisme balnéaire le long de ces 2600 km de côte encore largement sauvages. Pour beaucoup d'observateurs, l'Arabie saoudite ambitionne de faire de la mer Rouge un véritable lac saoudien et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le rapprochement stratégique avec l'Égypte. La visite du roi Salman au maréchal Sissi en avril 2016 a permis à l'Arabie saoudite de récupérer la souveraineté sur les îles Tiran et Sanafir, deux îlots rocheux situés à l'entrée du golfe d'Aqaba. Un gigantesque pont unissant les deux pays pourrait y être construit à travers le détroit de Tiran pour renforcer les liens entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Tout en protégeant ses intérêts économiques, l'Arabie cherche donc aussi à renforcer l'axe sunnite contre l'influence grandissante de l'Iran chiite. Sauf que vu l'importance du commerce et des échanges dans la région, ces rivalités concernent désormais toutes les grandes puissances mondiales Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La Chine, déjà présente à Port-Soudan pour l'exploitation des hydrocarbures sud-soudanais, investit actuellement 12 milliards de dollars à Djibouti, notamment pour la construction d'une base militaire et d'un port. Au Soudan toujours, la Russie pourrait elle aussi ouvrir prochainement une base militaire, rejoignant ainsi la Turquie, elle aussi présente sur l'île Swakin au Soudan, ainsi qu'en Somalie. La rive africaine voit donc s'installer à la fois les puissances rivales des États-Unis et les alliés de Washington. Israël et les Émirats arabes unis sont déjà présents en Érythrée. L'Arabie saoudite envisage de s'installer à Djibouti. Cette petite cité-État, dont le port s'ouvre sur le golfe d'Aden, résume à elle seule la militarisation croissante de la région. Sur ce territoire exigu d'à peine 23 000 km², toutes les armées du monde semblent s'être donné rendez-vous. Français, Italiens, Espagnols y sont présents de longue date, rejoints au début des années 2000 par les Américains, puis dans les années 2010 par les Chinois et par les Japonais. Tous surveillent avec attention l'activité du Bab el-Mandeb, tout en se surveillant entre eux. On l'aura compris, la mer Rouge est bel et bien devenue au fil du temps un carrefour stratégique de la mondialisation et une caisse de résonance de la guerre sourde que se livrent Iran et Arabie Saoudite. De ce fait, tous les États riverains de la mer Rouge, de l'Égypte à la Somalie, en passant par l'Érythrée et le Soudan, sont aujourd'hui, pour les grandes puissances, devenus des acteurs stratégiques. En clair, dans les eaux chaudes de la mer Rouge, on n'en a pas fini avec la guerre froide. À lire absolument l'excellente monographie sur le Yémen publiée par Laurent Bonnefoy chez Fayard, sans oublier le somptueux catalogue de l'exposition consacrée au canal de Suez, publiée sous la direction de Gilles Gauthier chez Gallimard. Enfin, n'oublions pas les aventuriers que la mer Rouge a beaucoup inspirés, à commencer par Henri de Montfred, aventurier, écrivain, négociant en perles, contrebandier d'armes ou de haschich, commis en cuir et café, Montfred l'inclassable a vécu mille et une vies. Nous vous proposons de redécouvrir la trilogie de la mer Rouge chez Grasset. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des Cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt. la conductrice sous somnifère dans les Pyrénées orientales. Selon les résultats de l'expertise en accidentologie, la collision qui a fait 6 morts provient d'un freinage d'urgence de la conductrice. Un traitement contre les troubles du sommeil pourrait être à l'origine de cette réaction tardive. Ben, la réaction tardive, c'est surtout les autorités policières et judiciaires qui ont une réaction tardive. Parce que je me souviens que le jour de l'accident, des enfants qui étaient dans le car ont été interrogés par les journalistes et plusieurs d'entre eux ont dit d'une seule voix que les barrières étaient ouvertes. Hein, on veut maintenant faire croire que c'est de la faute de la conductrice, parce qu'elle a pris des médicaments, parce que si, parce que ça, etc. Oui. On nous arrange la vérité, on nous fait une vérité officielle à la place de la vérité, avec un V majuscule, comme la vraie vérité. 1000 personnes sont descendues dans la rue samedi après-midi à Cap Pavenir Vosges pour marquer leur solidarité avec les salariés de Viscaz, entreprise où 92 postes seront supprimés et délocalisés en Pologne. Eh oui, en Pologne, les ouvriers seront payés 650 euros par mois, à peu près. Alors évidemment, mettez-vous à la place du patron. Hein, le patron qui est déjà riche et qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être encore plus riche. Eh oui. Alors, vous savez qu'il y a quelqu'un que je connais bien qui a déposé un brevet pour un cercueil avec des poches. Un cercueil avec des poches, oui. Alors, il y a une poche à l'avant gauche pour mettre les lingots d'or, une poche à l'avant droite pour mettre les chèques, une poche à l'avant à l'arrière gauche pour mettre les pièces d'or et une poche à l'arrière droite pour mettre les actions. Hein, voilà, de manière à ce que le riche, lorsqu'il est mort, il parte au cimetière avec une partie de sa richesse, hein, qu'il se sente moins seul, qu'il soit moins triste de mourir. Hein, voilà. Alors, donc le brevet, il est libre de droit. Qui veut l'utiliser, qui est à la tête d'une entreprise de pompes funèbres, peut très bien l'utiliser. Hein, oui. L'immense écrivain algérien Yasmina Kadra revient avec un nouveau roman sur le thème du terrorisme. Le narrateur Khalil est un jeune terroriste destiné à mourir à Paris lors des attentats du 13 novembre 2015. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Voilà, alors il déclare, Yasmina Kadra, on va toujours vers le pire qui fascine. C'est vrai que ce qui est moche, ça fascine les gens, ça les attire malgré eux. On est attiré par le vide. Hein, et oui, on est attiré par le danger. Voilà, ça fait partie de la nature humaine, ça. Eh ben, c'est bien triste, hein. Il faudrait essayer de trouver les médicaments qui permettent de nous corriger de ça. Assurance auto et d'habitation a priori plus chère en 2019. La prison bientôt facturée aux détenus. Ben, il me semble que je croyais savoir que les détenus travaillaient en prison et qu'une partie de l'argent qu'ils gagnaient en travaillant ainsi était destinée d'une part à leur famille et d'autre part aux familles des victimes. Hein, c'était bon, voilà. Il faudrait se renseigner plus complètement pour savoir ce qu'il en est vraiment. Hein. Il faut arrêter de diaboliser Donald Trump. Qu'il fascine ou agace, Donald Trump ne laisse personne indifférent. Les prises de position, les propos provoquant le comportement insolite du président des États-Unis cachent un homme intelligent, habile, infatigable et doté d'une énergie peu commune. Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui dit des conneries comme ça? Eh bien, c'est Frédéric Mitterrand. Voilà, Frédéric Mitterrand. Il n'a pas fini de sévir, celui-là. Comme Jacques Attali, comme etc., etc. Ben oui, il y a toujours comme ça des gens qui traînent dans les couloirs du pouvoir, des courtisans qui cirent les pompes à ces messieurs de la haute et qui reçoivent des petites récompenses. Hein. Ben oui, ils reçoivent des miettes du gâteau. Hein, quand il y a une miette du gâteau qui tombe par terre, eh ben c'est pour eux. Ils la ramassent. Hein, et ils la mangent. Eh oui. Eh oui, on récompense toujours les lâches, les traîtres, les larbins. Albanais expulsés, la polémique. Le 7 septembre dernier, un couple d'Albanais et ses 2 enfants étaient expulsés de Mirecourt au petit matin. L'opération très encadrée par les forces de police aurait coûté 100 000 euros. Vous entendez bien, 100 000 euros. Un collectif crie au scandale. Eh oui, il a fallu affréter un Falcon avec un pilote et d'autres personnels de navigants, sans doute. Et puis, il y avait 6 policiers, je crois, pour les accompagner, etc., etc. Hein, eux, ils n'ont rien pu emporter. On les a ramenés dans leur pays, comme ça, où ils risquent d'être fort maltraités. Mais, bah, faut, voilà, tant pis. Hein, ouais. Il y a quand même des gens à qui on confie les clés du pouvoir, on devrait réfléchir bien avant, hein, réfléchir bien plus qu'on ne le fait. Enfin, on. Je vous laisse faire la liste des noms qui à mettre dans ce on. Gray, affaire d'aval, Jonathan continue de manipuler son entourage. Ça vous étonne? Vous avez vu la tête qu'il a, la touche qu'il a de gosse élevé dans la bêtise? Hein, ben oui, c'est la société qui fabrique les assassins, ils ne se fabriquent pas tout seuls. Eh non, bien sûr que non. Sorti de la maternité, vous seriez capable de dire quel est celui qui va devenir médecin, chirurgien ou celui qui va devenir voleur, qui va faire des hold-up? Ah tiens, bien sûr que non. C'est après, petit à petit, que la société façonne les gens et qu'elle fait, ben voilà, des bonnes choses ou des très mauvaises. Un chasseur tue un vététiste. Oh, faut pas de commentaires, hein. Hein, là, bon. Parti socialiste, la fuite en avant, Conseil national, le Conseil national sur l'Europe du PS s'est déroulé sans une partie de son aile gauche qui veut fonder un nouveau parti, tenez-vous bien, proche de la France insoumise. À 7 mois des européennes, le coup est dur. Il me semblait bien que parmi ceux qui s'étiquettent, qui se disent socialistes, il y avait des gens qui étaient réellement de gauche, qui étaient honnêtes, sincères, intelligents. Voilà. Eh ben c'est bien, tant mieux. Tant mieux, peut-être qu'on va enfin sortir du gouffre dans lequel Macron nous a entraînés. Macron et ceux qui ont voté pour lui, bien sûr. Hein? Ah ben oui, croyant bien faire, certains. Croyant bien faire, mais en votant pour le moins pire, on ne vote pas pour le mieux. Recherche médecin. La pénurie de médecins généralistes comme de spécialistes d'ailleurs n'est pas nouvelle. Dans certains secteurs du département, ça tourne à la catastrophe, sans oublier les dommages collatéraux. Marianne Wallace. La mamie vélo à 90 ans, Marianne Wallace, patronne des cycles Wallace, et doyenne des commerçants messins, vient de souffler ses 92 bougies. Alors elle déclare, ce magasin c'est ma santé. Ici je me sens toujours jeune, je veux y rester jusqu'à la dernière minute. Voilà. Alors si la société arrivait à tourner de telle manière que les gens aient envie de travailler longtemps, hein, qu'ils aient envie de travailler, mais qui travaillent pour le plaisir. Hein, ben oui, qu'ils aient une retraite suffisamment confortable pour qu'ils puissent avoir envie de travailler quelques heures par jour ou par semaine, comme ça, juste pour le plaisir. Ça serait formidable. Hein. Mais pour l'instant, ben les gens qui ont travaillé pendant 40 ans et plus, souvent, ils n'ont pas de quoi vivre correctement. Et ça, c'est honteux. La société, globalement, est responsable de ça. L'Italexit écarté, Union européenne. Rome tient tête à Bruxelles sur ses dépenses publiques pour 2019 tout en s'engageant à ne pas creuser davantage son déficit. Après avoir engagé le bras de fer, la Commission cherche à arrondir les angles. Alors on voit une photo, on voit Angela Merkel qui est assise à une table, et puis il y a un monsieur jeune, les cheveux foncés, qui se penche vers elle et lui fait un baise-main. Et Angela, ça fait un bon moment qu'on lui a pas fait un coup comme ça, alors elle a l'air ravie. On dirait une petite jeune fille toute étonnée de ce qui lui arrive. Bon, voilà, mais elle reprendra vite ses esprits, n'ayant pas peur, et voilà. Enfin bon, elle est sympa cette Angela finalement. Voilà. Pas de retraite pour les pauvres. Le nombre de seniors qui cumulent travail et retraite a bondi de 50% depuis 2009. À 71 ans, Nicole, comme de très nombreuses femmes, travaille encore pour compléter sa maigre retraite. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui sont obligés de travailler pendant la retraite, qui sont obligés, qui font pas ça pour le plaisir, comme la mamie qui vend des vélos, là. Non, non. Hein, eux, ils font ça parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. En faire autrement. Et en faisant ça, peut-être qu'ils prennent le travail de leurs enfants ou de leurs petits-enfants ou d'un petit voisin. Eh oui, et bon, quand ils pensent à ça, ça ne doit pas leur faire plaisir. Hein. Dire voilà, je suis en train de travailler, prendre la place d'un jeune, je travaille alors que je devrais pouvoir me reposer, je devrais gagner suffisamment pour pouvoir vivre normalement, et la société, eh bien voilà, la société, enfin ceux qui la dirigent. trouver un métier grâce à l'apprentissage. L'apprentissage, c'est la certitude dans les Vosges de trouver un emploi à l'issue de sa formation. Les contrats se signent encore jusqu'à la fin du mois de novembre. Oui. Apparemment, ils ont du mal de trouver des apprentis. Ben oui, parce que maintenant, la réputation de l'apprentissage, elle est faite et pour longtemps, hein. Ah oui, oui. Les maîtres d'apprentissage ont fait tout ce qu'il fallait pour dégoûter les jeunes de l'apprentissage. Eh oui.